Fascinateur, on n'a même pas parlé de Bonsoir à Twitch. toutes et à Speak. tous, et je coupe la parole de Beyond parce que Non, ça il va, tout parle va bien, trop. je dis Ce, oui, il pardon. parle trop ce mec, donc voilà. Et désolé pour la petite attente. Mais c'est parti, le numéro 76 du podcast du collectionneur arrive. Et donc ce soir, on va parler de. La bagarre! Voilà. La bagarre! La bagarre! Des bisous, les gens. Bye bye. C'est rien à chaque fois, c'est bête. On va faire la seconde partie du podcast qu'on avait déjà entamé. On avait parlé des VTA en mode 2D. Vieille école, tout ça, et on va parler aujourd'hui des VTA. Comment est-ce qu'ils ont évolué vers la 3D? Comment aussi la 2D est revenue au travers de certains beat'em all qui sont sortis en 2D, qui ont bien marqué les esprits. Et tout ça coïncide joyeusement donc avec la sortie ce jour de Streets of Rage 4, disponible sur à peu près tout ce que vous voulez, Xbox One, PS4, Switch et PC. Micro-ondes, oscilloscope. Voilà, boîte des vaches qui rit. Un petit peu moins cher si vous êtes membre PS Plus. On risque pas de parler de Streets of Rage 4 ce soir, vu qu'on n'a pas tous entamé. Moi, je l'ai à peine entamé. Mais, j'y en ai tout pas cas, joué. Le feeling est bon et on a bien rigolé. Voilà. Sauf qu'on a la guerre. Je vais être infect. En fait, j'ai passé une semaine ultra fatigante et tout. Je suis en week-end, je vais être infect. Voilà. je suis fatigué. Et donc, normalement, à la fin du podcast, M. Chou nous présentera un jeu. Ouais, s'il y a le temps. Au pire, on va juste faire un deal. Si on n'a pas le temps, est-ce que je peux juste faire mon énigme nulle? Tu sais, hein, moi, mon jeu, je l'ai. On a repoussé mon jeu pendant 4 podcasts hein, à partir de là. Voilà. Donc... Ouais, moi je pense qu'on verra. Je pense franchement. Bon, on verra. On verra. Mais. Voilà. Sinon, au pire, ce sera la fois prochaine. C'est bon, tout est prêt. Quoi. Donc, ouais, je sais qu'après, je suis en week-end. Hein, je me couche quand vous voulez. Hein, c'est pas. Bon, enfin bon. On va pas non plus comment dire, te faire dormir à 4h du mat. Quoi. Oh bah. Enfin bref. Et donc sur le coup, on va commencer avec les news et comme d'habitude, histoire de bien commencer le podcast et histoire de bien s'enjailler, nous apprenons le décès de Lucie Dolène à l'âge de 88 ans. Ouais. Donc qui était Lucie Dolène? C'est une des plus célèbres doubleuses, si ce n'est peut-être la plus célèbre doubleuse française de chez Disney, qui est connue notamment pour avoir doublé le second doublage de Blanche-Neige, qui est le plus connu et le plus répandu par la plupart des gens. Et qui est aussi quelqu'un qui a eu un autre rôle extrêmement important un petit peu plus tard, qui a montré un petit peu le vrai visage de Disney au moment où Disney donc, a décidé d'exploiter ses anciens dessins animés au format VHS et Laserdisc à l'époque. Lucie Dolène, elle est arrivée, elle a dit « Écoutez, moi je ne vous ai pas autorisé à utiliser ma voix gratuitement comme ça pour vous gagner, pour vous gagner de l'argent ». Et donc ce qui s'est passé, c'est que Disney a dit « Oui ». Ah ok, vous avez tout à fait raison. Ils ont modifié leur contrat, ils ont réembauché quelqu'un d'autre, ils ont redoublé toutes les parties de Lucie Dolène, et sur le coup maintenant, vous ne pouvez plus entendre parler Miss chanter Miss Samovar dans La Belle et la Bête avec la voix de Lucie Dolène, parce que Disney a balayé tout ça du revers de la main pour éviter d'avoir des droits d'auteur à payer. C'est là où on voit qu'effectivement, le métier de comédien de doublage, tout le monde en a rien à foutre dans cette industrie. Même à l'époque, et surtout Disney, hein. Elle a été une des pionnières à se battre justement pour les droits des doubleurs, il me semble. Mais elle a ça y est, petite pelle. Et donc voilà, si vous voulez avoir les doublages originaux, en particulier La Belle et la Bête ou Blanche-Neige, malheureusement aujourd'hui c'est sur VHS ou Laserdisc. Il y a des sites comme, je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Les Grands Classiques, qui traitent notamment des grands classiques Disney et qui ont fait des restaurations, mais ça s'échange entre guillemets sous le manteau pour arriver à trouver ce genre de choses. Mais ça existe. Sachez qu'il y a des passionnés Disney en France qui vont chercher les doublages originaux pour les cleaner entre guillemets et les réintégrer au dessin animé pour. Ah non, mais je suis même pas étonné, j'ai un pote qui fait ça, donc je connais absolument la pratique. Mais bon, évidemment, tout ça n'est pas du tout cautionné par Disney, bien sûr. Ouais. Comme beaucoup de choses en même temps, bande de radins méchants. En secoue sans transition, nos amis de chez SMS Power. Oui. Hop, petit lien, pof. Nous apprennent qu'on a retrouvé un jeu Master System Not For Sale, donc qui n'est pas sorti dans le commerce. Ouais. Alors, un peu particulier quand même. Hein. Ce jeu s'appelle Game de Tchèque Kotsu Anzen, apparemment. Et je me souviens de sa particularité, il n'avait pas été... comment dire ? C'est un jeu éducatif. Enfin, sorti par la Tokyo Marine and Fire Insurance Limited. Développé par Sega, apparemment. Et voilà. Donc, par contre, je ne sais pas si le jeu a été dumpé. Je sais qu'ils ont trouvé. Alors, non seulement le jeu a été dumpé, mais en plus, il est sorti avec une traduction complète. D'accord, ok, j'avais pas suivi ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de la sécurité routière. Oui. Ce qui est assez hallucinant quand même. Il n'y a qu'au Japon que tu peux voir ça. Non, mais c'est stylé. Hein. C'est stylé. Ah oui, moi je trouve ça génial déjà qu'on retrouve des jeux Master System, parce que j'aime la Master System. Mais ouais, c'est. Et le jeu pour la Master System, ça a l'air plutôt pas moche. Hein. Bah, c'est dans les standards de ce que peut faire un Master System. Quoi. Voilà. Ouais, carrément. Apparemment, ça a coûté cher. Oui, ah. Oui. 3 millions de yens, c'est ça ? Ah, la vache. Oui, pique, c'est ça, oui. Ouais. Voilà, pour arriver à avoir ce jeu et le dumper, justement. 3 millions de yens, ça fait quoi ? C'est quoi, faut diviser par. Par 1000 ? Par 100 ? Je sais plus tant. Je vais regarder en attendant. 3 millions de yens, c'est 300 000 euros ? Ouais, ça. Un peu moins, 300 000 euros. Je sais plus exactement. Non, c'est... Oh. Une baguette. Non, c'est pas 30 000 justement. Non, c'est 25 500. C'est ça. Oui, voilà, faut diviser par 1000, ouais. Hein, c'est ça. C'est non, alors non, voilà. je dis des bêtises. Je suis fier à l'image. Ils ont gagné l'enchère à 521 000 yens. Donc c'est beaucoup moins que ça. C'est okay. Ça, en gros, okay. 5 000 euros. 520. C'est déjà pas mal. Hein. 5 000 euros pour un jeu. Dont on ne sait même pas combien il peut y en avoir d'exemplaires. Voilà. Sur le coup, encore un inédit Master System. Ce qui fait quand même 4 430 euros. Donc voilà. Le lien vous mène à tous les détails, comme d'habitude, chez SMS Power. Vous en faites pas. Oui, non, qui... SMS Power, ouais, franchement, c'est craqué. Non, mais moi, je suis ravi de voir qu'on peut encore découvrir des jeux. Je trouve ça. Et bien, il y en a d'autres encore. C'est génial. Il y en a d'autres, mon bon monsieur. Et puis la Master System, j'ai tellement d'amour pour cette console que je suis toujours content. Ensuite, petit mot pour une traduction disponible. Hop, Baten Kaitos Origin. On l'attendait plus celle-là. Hein. En français. Waouh, wow. Ouais. Ça fait tellement longtemps que c'est en projet. Bah, ça fait 7 ans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Myth Project, vous trouverez ça sur Myth Project FR. J'ai mis le lien dans le chat. Ouais, impeccable Beyond. Et donc, patch 1.0 de Baten Kaitos Origins, qui est sorti. Qui est jamais sorti chez nous, donc. Aux États-Unis, qui est sorti au Japon, mais pas en Europe. Non, mais pourtant, c'est un excellent jeu. Hein. Un excellent. Déjà, le premier volume était vraiment très bien sur GameCube, mais là, ouais. il comblait beaucoup de lacunes. Tu sais, c'est un système de combat qui était original déjà dès le premier, mais là beaucoup plus enrichi. J'ai cru que t'allais dire horrible. Non, j'aurais été un peu d'accord avec toi parce qu'il y a des moments où. Toi, tu détestes ? Non, je déteste pas. J'adore Baten Kaitos, mais il est très très frustrant. Il y a un ou deux combats qui sont restés gravés dans ma mémoire et dans mes tripes. Il y a un combat qui peut te softlock carrément à partir. Ce qui est bien, c'est que. Oui, non, mais pour expliquer un petit peu, c'est basé sur un système de cartes et donc il y a toute une partie qui est forcément aléatoire à RNG, donc les attaques que tu peux faire en combat puisque tu sélectionnes oui. toi-même des decks. N'oublie pas aussi que tu as des cartes qui se périment, genre les cartes de nourriture. Oui. Que si tu les cartes de nourriture pas, qui se périment. C'était ça. Le jeu est très bien, mais c'est. Mais il est bien porté quand même, hein. Je veux dire, il est très très beau. C'était une 2D dans des décors qui est absolument incroyable, ultra détaillé. C'était vraiment, tu sais, travailler comme un FF, ouais, mais avec une animation. Ça fait beaucoup d'aquarelle, c'était très peinture, hein. Les décors étaient très... De manière générale, Baten Kaitos fait partie de ces jeux où, si vous avez envie d'expliquer à l'époque pourquoi les jeux GameCube en jetaient plus que les jeux PS2 ou Xbox, c'est un très bel exemple. Hein. Tu balances ça et les mecs, ils ferment leur gueule, il n'y a plus de débat. Hein. Voilà. Et c'est un jeu qui était sorti en France à l'époque, il avait eu des pubs. Ouais, il même un guide officiel. Il avait été marketé en France de manière assez agressive. Hein. Et il y avait un guide officiel également en France. Ouais, il y avait un guide officiel. Et je rajouterais juste un truc, sans spoiler évidemment, c'est que la fin du jeu, scénaristiquement, a une particularité, et elle amène logiquement en fait cet épisode dont tu parlais au début, le Origins. Origins. Donc, de toute façon, même le jeu en lui-même, il y a un plot twist qui est assez sensationnel. Oui, ouais, vraiment. C'est vraiment... Le jeu est vraiment bon, l'Origine est bon aussi. Et donc là, d'où l'obligation de cet épisode Origine, hein, franchement. Ouais. Donc, vous avez une trad FR. Alors apparemment, vraiment, c'est un patch 1.0, hein, ça veut dire grosso modo, en théorie, sauf bug, tout est traduit. Enfin, tout ce qui peut être traduit l'est. Et j'ai pas eu l'occasion de tester parce que j'ai eu un petit problème avec mon ISO que j'ai dumpé moi-même, bien entendu, pour patcher la ROM. Voilà, enfin j'ai le jeu, mais j'ai pas dumpé moi-même, j'avoue. Mais petite particularité, c'est un patch FR, et vous pouvez rajouter aussi la version, ce qu'ils appellent undub, c'est-à-dire qu'il peut être compatible avec les voix japonaises. Voilà, si vous voulez. Donc il y a tout expliqué sur le site. Donc n'hésitez pas. Non, mais c'est très bien, c'est une très très bonne initiative, merci. Et donc sur le coup, un petit coucou à Bafan. Qui est actuellement le world record sur la catégorie 100% de Baten Kaitos en 341h20min et 3 secondes. Oh, c'est un peu un... J'ai mal. C'est un peu un mème cette run, mais, voilà. Mais ça dit coucou à Bafan qui adore le jeu. Par contre, ça. Il vaut mieux qu'on lui. Je ne connais rien et ma question va peut-être paraître stupide, mais sérieusement, ça n'a jamais été retransmis un live comme ça. Si. Ah, il y a des VOD, hein, super. Il faut avoir du courage pour le faire. Comme tu dis, il faut vraiment aimer le jeu. Mais ceci étant dit, il est quand même. Parce qu'il faut pas. Il est aussi world record du mode. Enfin, du 1%, hein, la fan. Oui. Hein, voilà. De toute façon, il connaît le jeu sur le bout du slip. Hein. Voilà. Et pas que des trucs rigolos. Je crois qu'il est world record de toutes les catégories sauf une. Avoir le champ, récupérer le shampoing. Donc voilà. Des bisous à toi, Bafan. Bon, toujours sans transition. Alors, Retrobit va. Alors, ce que j'aime bien avec Retrobit, c'est qu'ils lancent beaucoup de projets. Ils sortent pas grand chose, mais ils lancent plein de trucs. Ah oui. Et là, ils ont décidé de tenter d'améliorer la meilleure manette du monde. Non. La manette Dreamcast. Améliorer, ça veut dire qu'ils vont changer la croix. J'ai envie de dire, c'est pas compliqué. Alors, ils veulent changer la croix, ils veulent changer le stick, ils veulent rajouter deux boutons en façade, ils veulent repositionner les gadgets. Le câble, mais une question, le câble, il sort toujours de l'arrière. De l'arrière ou du devant. Wireless. Wireless, oui, je sais, mais je l'avais lu. Éventuellement. Non, parce que j'adore la Dreamcast, j'aime bien les manettes, mais faut admettre que la manette Dreamcast, c'est très très compliqué. C'est comme moi. C'est comme moi avec la manette 64, j'adore la manette 64, mais oui, force est de reconnaître qu'il y a des manettes, c'était pas des bonnes idées, quoi. Sur le papier. Que la manette 64, elle était vraiment adaptée pour les jeux. Oui, oui. Bien particuliers. Dès que tu sortais du certain jeu, ouais, c'était plus dur. C'était fini. Par contre, quand même. L'idée du petit bidouillot là, qu'on rajoutait dans la manette Dreamcast, le visual, je sais plus quoi. Ah, le VMU là. Le VMU. Ouais. Le bidouillot. Ça c'était vraiment bien. Ouais. Non, ça c'était vraiment bien, mais essaie de jouer un jeu de combat avec la manette Dreamcast. Mais je sais. On l'a tous fait. On l'a tous voilà, fait. Non, mais c'est ça. La Dreamcast, j'ai des jeux de baston, donc je sais. Les jeux en 3D, tu pouvais jouer avec le joystick analogique, ça passait. Oui. Attends, c'est lequel que j'ai été. Soul Blade. Soul Calibur, ouais. Soul Calibur au joystick. Ouais, c'était crème, hein, il était bien le jeu. Hein. Et Marvel vs Capcom et les Street 3 et tout. Non, tu peux pas. 3.3 avec le joystick analogique, ouf. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu droit au joystick en Europe, vous le savez tous. Bah, j'espère qu'ils vont l'améliorer un peu. On va voir, sachant que là, Retrobit devait nous sortir des versions wireless déjà, des pads qu'on attend encore. Donc, mais bon, la situation fait que forcément c'est un peu compliqué. C'est quoi comme pad qui doivent. Ils ont fait des reproductions de pad Ori pour Nintendo 64. Ils doivent sortir en version sans fil, voilà. C'était ce qui était prévu là, normalement, au mois de mars. Mais. Et pad Ori, bonne nouvelle. Voilà. Bon, et sur le coup, on va. Une petite nouvelle du Québec. Ah! Donc, ils auraient corrigé un bug dans Mario 64. Ouais. Hein. Ouais. C'est un bug, c'est comme ça. Alors c'est un truc en fait où je l'avais vu passer il y a 2-3 mois parce que en fait ils ont, il y a un moment ils ont décompilé Mario 64. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ils ont le code source du jeu entre guillemets. Enfin, ils ont un truc qui ressemble beaucoup au code source du jeu, et ils ont aperçu 2-3 trucs, hein, notamment qu'il y avait des options d'optimisation qu'ils avaient pas activées sur les versions japonaises, ce genre de trucs. Mmh. Mais là, ce qui nous intéresse là, c'est qu'effectivement, il y avait un bug sur la manière dont est gérée la fumée dans le jeu. Quand votre personnage il tombe dans la lave ou autre, bah il y a le feu au cul. Hein. Et c'est vrai que l'effet était bizarre. Maintenant. Ça, on faisait pas trop gaffe parce que bon, tout le jeu était cubique de toute façon, mais j'avais jamais. Mais maintenant qu'on le dit, effectivement, l'effet était un peu étrange. Ça faisait pas fumer, ouais. Ça faisait vraiment des blocs noirs qui nous suivaient. Et ils sont aperçus que c'était juste un bug en fait, et ils ont corrigé. Et maintenant, bah, quand on plonge dans la lave avec cette version modifiée de la ROM, et bah, on a vraiment un effet de fumée qui suit Mario. Ah, ouais. Voilà. J'avais jamais fait attention, mais vraiment. Ah, moi non plus, mais visiblement. Et ouais, quand tu vois la différence, oui, bah oui. Bah ouais, c'est oui. Rigolo. Donc voilà, ce jeu n'a toujours pas fini de nous surprendre. En bien ou en mal, je ne sais pas. En centralisation, on revient sur quelques traductions que nos amis MO5 nous font popper. Traduction en français de 5 jeux Super Famicom, Super Nintendo, avec Pop and Twinbee, Rainbow Bells Adventure, Poki & Rocky 2, Super Metroid, Street Fighter 2 et Super Mario World traduit en français. Voilà. Ok, c'est cool. Mais c'est rigolo. Bon, c'est pas des jeux qui ont énormément de dialogue, mais finalement, pourquoi pas. Oui. Parce qu'après, pour Super Metroid, bon, tu as quand même le plot twist. Éventuellement, pour. Il y avait déjà une traduction de Super Metroid, mais qui était plus une synthèse, on va dire, qu'une traduction. Oui, c'était pas vraiment une trad, ouais. C'était le résumé Téléstar. L'intro. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est totalement. Si vous avez manqué le début, ouais. Quand tu voyais l'intro qui prenait tout l'écran en anglais, ouais, et en bas, t'avais trois mots en français, tu disais rien. En mode, c'est la merde. Esprit de synthèse. Et attendez, donc, je reviens et il se passe un truc bizarre. Je reviens. Et sur le coup, donc, ouais, Poki & Rocky 2, traduit en français. Alors pareil, c'est pas pour l'histoire, vous avez joué à Poki & Rocky 2. Ah bon, mais, je suis déçu. petit détail. Le jeu était sorti à l'époque. En France, il existe un guide officiel français avec une couverture souple. Je l'ai jamais vu. Hein. Qui vaut une blinde aujourd'hui. Voilà. En éternuant, je vais déplacer mon pouce sur le bouton pour me démuter. Et ça m'a démuté. Je suis désolé. T'es fatigué, moi. Je suis désolé. Ça sent la fatigue. Et en même temps, je voulais parler de Pop and Twinbee Rainbow Bell Adventures, qui a deux versions différentes en Europe, une version en anglais et une version en allemand. Donc là, ça y est, maintenant, on enferme le jeu en français. Bon, voilà. C'est lequel, le Rainbow Bell? C'est le jeu de plateforme. Qu'ils ont sorti, D'accord, oui. Okay, ouais. Avec les deux petits vaisseaux là qui sont là. Il est pas mal, même s'il est. C'est un platformer qui va dans tous les sens. Quoi. Oui, je m'en rappelle. Je le trouve. Tellement coloré, tellement beau. Oui, bah pas Ben Twinbee, hein. Mais c'est bien. Ouais, ok, je m'en rappelle. Ouais. Même si Poki & Rocky, c'est un poids mieux. Bah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc, ouais, mais c'est très bien. Ouais. Sans transition, toujours. C'est le moment de snob rétro gamer. Donc. Nos jeunes amis de chez Terra Onion. Ah oui, putain. Ah oui, c'est même plus du snobisme là. C'est... Je vous mets le lien dans le chat. Alors, vous aviez l'intention de dépenser des sous, ça tombe bien. Ils vous proposent quelque chose. Mais alors, par contre, attention, c'est pété, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pété. Donc, ils vous proposent un émulateur de lecteur de disque pour Dreamcast et Saturn. C'est-à-dire, c'est un truc qui va remplacer votre lecteur de disque optique, qui peut être malade ou pas, hein, c'est pas le problème. Et vous permet de jouer à des jeux, alors sur clé USB, disque dur SATA, donc en format 2 pouces et demi hein, pour que ça rentre dans la console, ou carte SD, et ou d'ailleurs hein, les trois en même temps si vous voulez. Voilà, tout en sachant que la bête donc reconnaît directement votre console, Saturn ou Dreamcast, ouais. La série, tout ça sans la moindre patte à souder. Hein. Oui, oh, c'est-à-dire tu en fait tu prends le flexible, on te dit. En fait tu prends le flexible de ton lecteur optique et tu le mets dans leur truc et ça marche. Voilà, en gros. Putain. Alors par contre le prix, par contre la bonne Marise, ça coûte 182 € sans frais de port, 18 € de frais de port, et bien entendu, la société est basée à Andorre, donc la taxe. TVA, parce qu'ils passent par DHL, et DHL ont l'autorisation du gouvernement français pour dédouaner vos colis. Donc vous prendrez de toute façon la TVA et le frais de dossier dans la gueule. Donc en gros, ah ouais, 250 balles, quoi. Putain, ça... Voilà, okay, sachez-le. Okay. 250 € pour vous passer... d'un lecteur optique et accessoirement et pour tous vos jeux Tipiak voilà accessoirement pour jouer à tous vos jeux que vous aurez dumpé vous-même pour voilà préserver après, votre patrimoine après quelque part bon c'est certes le tarif est cher mais si on met ça en perspective on va comparer admettons avec un Radiant Silver Ion Saturn qui est quoi 200-250 balles le truc voilà comme j'allais dire c'est que ramener au jeu Saturn et au prix aujourd'hui de la Logitech Saturn. Voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que, et Imbrinator le dit, ils ont effectivement dit que peut-être il y avait d'autres machines en ligne de mire avec ce produit. Donc, je trouve l'idée ultra pétée. Bah, en fait, c'est ça le problème. Alors, c'est le problème avec ce genre de matos. Hein, c'est comme les Everdrive. C'est bien. Ça coûte super cher. Alors, je sais que moi, j'en ai pris quoi parce que justement, la Saturn, c'est vraiment une console que j'ai envie de poncer. J'ai plein de jeux. C'est notamment la console où t'as plein de jeux Jap qui sont jamais sortis chez nous, mais qui ont des fans trad. Ce truc-là permettra d'y jouer sans se prendre la tête. Enfin, voilà. Moi, est-il en train de nous annoncer un marathon Shining Force 3, scénario 1, 2 et 3 Bah, écoutez, je sais pas. C'est pas fini. On ne sait jamais, mais j'ai bien fait la Mulana. Qui sait donc voilà. Non, je pense pas de la difficulté, je pense que ça va pas être court. Quoi. Surtout de la longueur, ouais. Mais voilà, ça coûte cher. Par contre, la particularité de ce truc, quand même, c'est qu'il fonctionne sur deux consoles. Un Everdrive, par exemple, ça fonctionne que sur une console, quoi. Bon, après, ouais. Est-ce que ouvrir le capot de la console, enlever le flexible et le mettre dans l'autre console, c'est une manip que les gens vont vouloir faire, je sais pas. Ceux qui vont l'acheter, je pense qu'ils sont bien au fait déjà de ce ben, que c'est. Ben, apparemment, je vais l'acheter. Alors, j'ai pas de Dreamcast, tu vois. Donc, je veux juste pour ma Saturn. Mais je pense que ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà bien l'architecture de la machine. Ouais. C'est un truc bien particulier. Hein. Mais vraiment, en termes de manip, il y a rien à faire, quoi. Ouais. Et bon, l'autre truc aussi, c'est il fonctionne. Enfin, vous pouvez même brancher une clé USB dessus, quoi. Enfin, un disque dur externe et c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas mal. Mais aussi Terra Onion, j'avais leur autre produit, le Mega SD, là, où j'ai eu plein de mésaventures et où j'étais pas content. Du point de vue de la livraison, par contre, c'est un truc, ça marche super bien. C'est qualitativement, ils sont très très forts. Et ils sont. Tu regardes leurs vidéos, tu meurs déjà. Ouais, ils sont au-dessus en termes d'ergonomie et d'interface, ils sont au-dessus d'un Everdrive par exemple. Ça va jusqu'à les. Tu peux installer les jaquettes de tes jeux sur ton dispositif pour les avoir dans ton truc. Enfin voilà, c'est bon. Donc, après, comme. Bon. Ouais. Mais ça coûte comme la peau. Une bibliothèque, ça te fait une bibliothèque de jeux et tout. Bon. C'est fumant, hein. Mais c'est craqué, je l'ai préco, puis je vous en reparlerai quand je l'aurai. D'ailleurs, j'ai reçu un mail, la même chose, mais pour GameCube, là, le gars va les expédier au courant du mois de mai. Donc pareil, je pourrais vous en reparler plus tard. Ça marche. Avec plaisir. Voilà, donc c'est onéreux, mais ça a l'air très pratique, ça va être bien fait. Et bah, désolé, donc, professeur abrasive, mais... Bah, le problème, c'est que... Là, Professeur Abrasive, il a de la concurrence là parce qu'il y a. Ah, j'ai oublié son prénom, mais il y a un Français aussi qui prévoit un truc pour la Saturn. Oui, ah, j'ai vu passer ça. En plus, c'est. Furtech c'est pas Furtech, non. Non. Mais il est très bien son truc. En plus, par contre, il fonctionne qu'avec deux modèles de Saturn, je crois. Enfin, deux révisions de cartes mère, si j'ai pas de bêtises, pour l'instant. Okay. Donc voilà. Mais on est tout à fait d'accord, Imbrinator. C'est pour ça que je commence à acheter des remplacements de lecteurs optiques, en fait. C'est parce que, bah, au bout d'un moment, ils vont. Mais est-ce que tu peux faire tes sauvegardes sur le disque dur directement? Non, je crois que... Alors, ou alors pas encore. Non, parce que je viens juste de percuter, mais en fait, effectivement, ça aurait été aussi craqué de pouvoir faire tes sauvegardes. Déjà pour la Saturne, directement. Alors, j'ai appris qu'il existait un mode pour la Saturne pour faire en sorte que tes sauvegardes elles sautent pas quand la pile est morte. Oui. Mais bon, enfin bref. Non, mais c'est cool. Ensuite, autre petite news, on apprend donc on en apprend plus sur la numérisation en 2K des bobines 35 mm des pubs Sega Mega Drive. Alors, ouais. Ouais, putain, vous en avez parlé il y a un moment de ça. Ouais, on avait parlé en fait que. On les a retrouvées. Ouais, que les bobines avaient été retrouvées. Et en fait, donc via un membre de mon chat, à savoir Orif. En fait, Orif a été en contact avec le propriétaire en fait des bobines pour lui, étant donné qu'Orif est en masse, un ancien projectionniste, pour lui expliquer un peu voilà comment ça fonctionnait ce format très particulier. Et donc, on apprend ni plus ni moins qu'il y aurait 2 km, je crois, de bobines encore non numérisées. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Non, c'est ça. Oui. Donc, voilà. Apparemment, il y aurait donc. Je vais essayer de retrouver exactement la quantité de bobines. 7000 mètres, voilà. De bobines à numériser au total. Donc il y a à chaque fois, il y a la pub en fait, et apparemment il y aurait en fait des rushs, des trucs coupés au montage, des machins comme ça dedans. Donc voilà, donc on en sait maintenant un peu plus. Donc la première pub a été dévoilée sur YouTube, je pense que Beyond a mis le lien. J'ai pas mis le lien. Okay. Pourquoi je vais le faire, je m'en charge. Vas-y. Je m'en charge, il n'y a pas de souci. Et autre chose, selon l'avancement que le propriétaire des bobines aurait avec un site internet, il pourrait offrir donc apparemment ses publicités en bonne qualité, disponibles gratuitement, sans pub. Et ce sera apparemment courant mai. Je crois que j'ai vu quelque chose comme ça passer. J'essaie de retrouver l'info, mais je ne la retrouve plus. Apparemment, il parlait de courant mai pour éventuellement une sortie du reste en fait de ses bobines. Voilà. Ok, ça vient d'où ça? C'est moi qui est en train de craquer nerveusement. Ok, c'est ce que je vois. Stun mental, comme on appelle. À moi, si tu veux, j'ai un jeu à te conseiller. Bubble Bubble sur Game Boy, tu veux pas? Vu comme tu l'annonces là, non. Ah là, ouais. Parce qu'à mon avis, là, je pense que tu vas craquer. Donc voilà, oui. Ok. On en sait un peu plus donc, sur ces bobines. Je vérifie en fait. Courant mai. Courant mai, voilà. Ils pensent faire la release courant mai, suivant l'avancement du site. Voilà. Dès qu'on aura des nouvelles, si on en a, vous en faites pas. C'était marqué noir sur blanc, mais j'arrivais pas à lire. C'est pas grave. Eh ben, super. Donc, sur le coup, on va passer à notre nouvelle sortie. Alors, rétro, pas vraiment rétro. Je vous mets le tweet rapidement. 8BitDo. Sort des manettes pour la PC Engine Core Graphics Turbo Graphics 16 Mini. Quelle surprise! Donc, il va y avoir trois modèles, donc c'est-à-dire deux modèles jolis et un moche. et bon, alors le souci, c'est un petit peu comme la PC Engine Mini, c'est la disponibilité. Hein. Donc, Amazon France, on vous cache pas que c'est un peu compliqué en ce moment. Hein. Et que forcément, en prenant le choix d'avoir un canal de diffusion unique via Amazon, ben voilà. Donc la PC Engine Mini et les gens qui l'ont préco en France sont toujours en train de l'attendre. Sauf quelques personnes. Non, c'est les gens qui l'ont, ils l'ont pas commandé sur Amazon France, ils l'ont commandé sur Amazon Japon. La version, oui, vous avez bien, je vais résumer. On peut acheter les PC Engine Mini toute région sur Amazon Japon et se les faire expédier en express en France. Voilà. Vous suivez? Oui. Ça vous coûte 125 euros au lieu de 110 en France. Et vous l'avez en moins d'une semaine. Voilà. À condition qu'on n'a pas envie quand même, quoi. Si vous voulez une Core Graphics européenne 100%, vous la commandez sur Amazon Japon pour vous la faire livrer en express. Voilà. Ça va? Vous suivez? À 125 euros, ça picote un peu l'oignon. Voilà. Ouais. Ou alors vous êtes patient et vous attendez que tout ça se calme et qu'Amazon puisse expédier le modèle français pour 110 euros, ce qui n'est pas non plus donné. Ça pique aussi l'oignon. Et pour les manettes 8 bits, elles sont pas encore en préco en France. Ça devrait pas tarder. Il me semble les avoir vues sur Amazon UK. Enfin bon, ça va se décanter. Ça va venir. Pour ceux qui seraient hypés par cette PC Engine Mini. Ouais. Dont j'aurai l'occasion de reparler. J'aurai l'occasion de mettre les mains sur une, peut-être, pour pouvoir essayer ça. Bon, ensuite, hop, on va... Petite news qu'on n'attendait pas du tout. Non, oui. Bah, pas du tout. Hein. Ah oui, j'ai vu passer ça. Un nouveau jeu de Tintin arrive. Fait par Microïds. Jeu Microïds, Toki, tout ça. Mais je sais pas ouais. Quoi en penser. Là, c'est pareil. C'est pareil. Je ne comprends pas. Parce qu'ils ont fait d'autres, en fait. L'actualité Tintin actuellement. Oui, à part le Toki et puis les Astérix et Obélix XXL, ils n'ont pas fait grand-chose de significatif. C'est un jeu fort boyard. Voilà. Mais c'est vrai. Hein. Enfin, depuis en tout cas le début des années 2000. C'est une bonne nouvelle. J'essaie de regarder. Oh mon dieu, c'est eux qui ont édité le jeu Les Aventures de Carlos sur Amiga. C'est des gros titres là qu'ils nous donnent. Ça donne envie. Ah, oui, non, mais après, ouais, je comprends toujours pas pourquoi maintenant en fait. Et ils ont fait un jeu Is No Good, mais je me souviens plus sur quoi. Ah, bref. On aurait pu s'attendre peut-être à un nouveau jeu Astérix qui pourrait coïncider parce que donc. Après la mort d'Albert Uderzo, on a appris qu'il y a un album inédit d'Astérix qui va sortir en fin d'année. Ouais. Donc, jamais sorti dans le commerce, dessiné par Uderzo et scénarisé par Goscinny. Ça aurait été peut-être plus pertinent, je ne sais pas. Non, mais là, c'est vrai, non, mais pour le coup, je ne vois pas d'actualité de Tintin. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a rien. A priori, non. Après, ouais. Ah, c'est peut-être aussi qu'ils avaient la licence, elle allait leur échapper vite. Après, comme Pelle allait le dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un anniversaire pour sortir un jeu Tintin? Oui, parce que Tintin, y a, sans même actualité, je veux dire, tout le monde connaît. Oui, non, mais les gens se rappellent des jeux Tintin. Ouais. Pas sûr que maintenant, ils ont envie de jouer un jeu Tintin. Oh, quoi que. Parce qu'un remake en 3D de Tintin au Tibet. On va penser à la même chose. Ou un beat'em all avec Tintin. Ah bah là, si Bigornoub était là, on parlerait des jeux Tintin. Là. Tu as dit un beat'em all ? La bagarre ! Voilà, mais je l'attendais. J'allais pas m'auto-couper la parole. Voilà. Je vous coupe la parole. Plus, c'est un jeu justement un peu au jeu LucasArts, tu sais, les point and click, avec un Tintin, un chevalier de Baphomet avec Tintin, ça marcherait bien ça. Ah, j'avoue, ouais. Et tu sais, surtout que LucasArts, c'était George Lucas. Non, c'était Spielberg qui avait fait Tintin. C'est Lucas. C'est pas Lucas. Le film. Oui, Spielberg, c'était Tintin. Ouais. Spielberg. Ouais. Mais du coup. Star Tintin. Ouais, mais tu sais, un jeu d'aventure comme ça, point and click. Star Tintin, ça. Non, c'est Hybridator. Ah mon dieu, oui, d'accord. J'ai jamais pas lu le chat. Ouh, ah, c'est... Bah, magnifique. Elle est sale. Ça va, c'est bien, bien. Enfin, moi, je valide. On a tué Bozdik, il en a même coupé son micro. Je lui mets un point bagarre. La bagarre. Voilà. Un point bagarre. Vous avez compris le. Voilà. Oui, fait mourir. Voilà. Ou éventuellement peut-être un remake de Shadow Dancer avec Tintin et Milou. Ça pourrait être sympa. Oh, je donne des édits à Dotemu là. Hey, Dotemu, Non, c'est trop là, monsieur. Faut arrêter. Bon, sur le coup, là, on apprend que la poste japonaise va se fêter les 60 ans de Sega en sortant des timbres. Voilà. Ouais. Et ben, ils sont plutôt sympas, c'est rigolo. Ouais, ils sont sympas, j'avoue. Toutes les machines Sega sorties là-bas. Voilà. Ouais, J'achète, mais ça va être dur à trouver dans le coin, je pense. Ouais, il y a des chances, ouais. C'est un peu raccord avec les timbres qu'on avait parlé là il n'y a pas longtemps, avec c'était sorti au Royaume-Uni, où il y a plein de jeux comme ça, notamment Sensible Soccer. Mais il n'y a pas que des timbres, par contre, là. Il y a des pins aussi. Hein. Parce que tu ne peux pas faire un truc des années 80-90 sans en faire un pins, je veux dire, pas... Soyons... Le pins parlant SG-1000, wow. Lionel, c'était... Ouais, c'est... Bon, c'est rigolo, ça, c'est bien, ça, moi, j'aime bien. Oh, c'est rigolo, ouais. Toujours pour rester chez Sega, ben il y a quelqu'un qui a fait le ménage. Oui, c'est improbable ce machin. Et qui a trouvé des documents, voilà, de l'époque Master System, avec des cassettes audio, merde. Des disquettes souples. Des cahiers de développement. Des cahiers de développement. Voilà, où tu as des quadrillages en fait, qui te montrent en fait, ce que là... Les différents emplacements, genre pour faire un level design, voilà. Enfin, c'est des trucs de fou. Quoi. Et voilà. Et donc, il y a même plus d'infos en fait en suivant le lien qui est dans le tweet, je crois, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Ils ont même retrouvé genre un badge à Outrun, des trucs comme ça. Enfin bref, le mec, il a fait le ménage, il a retrouvé moult trucs. Totalement improbable. Donc voilà. Et puisque c'est le moment donc de raconter. Comment est-ce qu'on a fait des jeux il y a pas mal d'années? Eh ben, quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on connaît en tout cas son travail, Monsieur Jordan Mechner sort un livre sur Prince of Persia. Voilà. En même temps, c'était aussi le... donc, il y a deux jours, le 28 avril, c'était aussi les 30 ans, en fait, de la sortie de Prince of Persia. Déjà 30 ans. Bah en fait, on va voir là aujourd'hui, enfin cette semaine, enfin lors de cette édition du podcast, on a moult anniversaires, c'est totalement dingue. Donc ouais. Et donc, comme il le dit si bien dans son tweet, il va faire une... Il a fait, pardon, ouais. Une... À 18h aujourd'hui, on pouvait poser des questions à Jordan sur le développement de Prince of Persia. Et ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est quand vous voyez la photo, il dit, il y a 30 ans, j'ai fait un jeu qui s'appelait Prince of Persia. Et donc, vous calculez, et oui, cette personne a 50 ans. C'est ce que j'allais dire. C'est invraisemblable, quoi. Voilà. Il me déporte bien. Voilà. Enfin, pour boucler les news rapidement, est-ce qu'on fait le tour des anniversaires qu'on a eus? Ouais, vite fait, allez, peut-être. Et dans l'ordre, Dorothée, qui c'est qui nous dans fait l'ordre. C'est ouais. Ce que j'allais demander, est-ce que moi, t'as la musique du Club Dorothée? Ah, je peux la trouver vite, mais alors, faut me laisser un peu de temps. Non, mais c'est bon, ça va aller. Non, mais ça va aller, on va se faire striker. On va se faire démonétiser, mais... Ouais, non, mais ça va aller, on va faire ça. Il y a Zoulay qui va nous courir après, là. Ouais, non, Jean-Luc, non, calme-toi, Jean-Luc. Donc, le 21 avril, c'était les 31e anniversaire de la Game Boy au Japon. Et moi, il avait trouvé la musique entre-temps. Hein. Ouais. J'ai mis deux secondes. C'est Charlie Olé. Donc, 31e anniversaire de la Game Boy au Japon. Là, ce que tu veux, peu importe comment tu l'appelles. Ça reste là le Game Boy, voilà, comme ça moi vous ne casserez pas les pieds. C'est fait. Ensuite, 23 avril, l'ordinateur le plus britannique qui existe, le ZX Spectrum, 23 avril 82. On lui souhaite un bon anniversaire à ce grand-père. 26 avril, 30 ans de la Neo Geo. Ouais, mine de rien, c'est pas mal. Toujours le 26 avril, alors attention, là, gros anniversaire en 2014, c'était l'excavation, en fait, dans le désert, en fait, des vestiges qu'Atari avait enfouis. Voilà, donc 26 avril, ils ont retrouvé un extraterrestre dans le désert du Nouveau-Mexique, mais c'était pas celui auquel ils pensaient, c'était tout simplement des cartouches de 2600. Et le 27, non, c'est pas ça. Et donc le 28 plutôt, 40e anniversaire des Game & Watch. Et oui, 40 ans des Game & Watch. Voilà. Ça me rajeunit pas. Oh oui. Je me sens vieux. Ah non, tu es vieux. Va chier. Bagarre. Bon, eh ben, sur le coup, oui, la bagarre. On va reprendre. Là, on est arrivé, effectivement. Voilà, à peu près. Donc, pour resituer, nous quittions tranquillement l'ère 16 bits et 2D, entre guillemets, bah. Et nous entrions dans l'ère de la 3D concernant les BTA. Et, Ibri nous dit que le 27, il y a eu les 20 ans de Majora's Mask aussi. Mais bon, en même temps. Pardon. Qui a envie de fêter l'anniversaire des mauvais Zelda? Non mais oh la bagarre. La bagarre. Mais la bagarre. En vrai, il vient de où ce sample? Hein bah c'est le sketch de comment il s'appelle ce con, Elise et Moon et Dubosc là. Ah d'accord. Tu sais, okay. C'était les petites annonces d'Eli là. Et... Ah je me souviens plus. Dans un des sketchs, ils sont là en mode ils veulent vendre leur service quoi. Je cherche depuis tout à l'heure. Je dis bien. Service de sécurité, mais il y en a un, il fait la bagarre. Ah oui, je vois bêtement, d'accord. Ça vole pas haut, hein, mais c'est suffisamment con pour que ça me fasse marrer. Non, mais c'est de ma faute. J'étais alors, je tiens à préciser, c'est de la faute de la petite pelle qui m'a dit ah putain, pour le podcast, faudrait trop que tu trouves ce son-là. Ah. Et j'ai fait oh putain, oui, il a raison. Ok. Que petite pelle, il fait genre, il a pas de connexion internet et tout, mais par contre, quand il émerge, je vous préviens, ça fait mal. Hein. Ah oui, non, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ouah, des bêtises. Alors, donc, ah, c'est putain, parti. Oui, non, et donc, sur le coup, on avait parlé donc des beats et molles modernes, entre guillemets. Et je voulais commencer donc tout simplement pour donner un point de départ par justement bah, la fameuse les consoles transition, c'est-à-dire les 32 bits. Et c'est-à-dire on se demandait tout à l'heure le fou la poule quel était sans doute le premier beat'em all 3D à voir le jour sur ces consoles 32 bits, c'est-à-dire la Saturn et la PS1, surtout parce qu'on peut-être arriver plus tard. Bah, au niveau de temps, apparemment, manifestement, le premier à être sorti, c'est Die Hard Arcade. Dynamite DK, je crois, c'est ça. Dynamite DK, c'est ça, en 1996, en arcade. Et Fighting Force, donc le fameux sur PS1, date de l'année suivante. Fighting Funk. Pardon. Juste parce qu'il y avait de la funk dedans, c'est tout. On rigole par rapport à Fighting Force, mais en vrai, il a pas mal marqué à l'époque. C'est rigolo, comme c'est un jeu que pas mal de monde connaît. Bon, il y avait des histoires de CD de démo qui faisaient que... Moi, je l'ai déjà dit, moi j'aime le jeu uniquement parce que mon pote avait remplacé la musique par de la funk. Hein. C'est tout. Hein. Et que je jouais juste pour ça, parce que le jeu, autrement, il est pourri. Pardon. Mais... C'est pas fou. Après, Dynamite DK sur Saturn CH Die Hard Arcade, ce qui est rigolo, c'est que donc au Japon, il s'appelle pas du tout Die Hard. Hein, et il a aucun lien avec la trilogie oui, Karamazov. Aucun lien fils unique. Oui, ils ont cherché à la base, il en a un. Mais ils ont pas mis le nom. Mais c'est une pompe de Die Hard. De la c'était trilogie aussi... Die Hard. J'insiste. Oui, si bon, d'accord. Et donc, lorsque le jeu est sorti chez nous, c'est aussi un des premiers jeux à avoir, alors pas à l'avoir inventé, bien sûr, mais c'est un des premiers jeux dans lequel on trouvait des QTE. Et des QTE très donc, drôles. Voilà. C'était vachement cool les QTE. C'est un jeu qui est sympa, qui vaut normalement pas 50 milliards sur Saturn. Enfin, je dis ça à chaque fois que je parle de la Saturn. Mais je pense pas qu'il soit super cher. Hein. Je sais plus. Après, c'est de la Saturn. Et vu comment les prix ont augmenté sur Saturn. Oui. Et juste malheureusement... pour signaler rapidement deux autres jeux sur Saturn qui sont aussi des beat'em all, mais en 2D, ce coup, enfin en 2D, disons que c'est compliqué. D'un côté, moi, à dire pas le contraire, il y a Guardian Heroes qui est très très bien. Ah bah ouais. Qui peut être considéré comme un beat'em all, même bah, si là aussi. Il y a carrément des mécaniques de beat'em all. Et là, sa particularité d'être sur trois plans différents, en plus, ça complexifie. Ça le rend vraiment le jeu intéressant quoi. Et avec le changement de plan entre guillemets à la Fatal Fury. Ouais, c'est ça. Et le. Bon, par contre, à un moment, tu sais pas pourquoi au début, tu es plutôt à l'aise avec le jeu, et puis à un moment, le jeu, il décide de te casser la bouche. Mais mais vraiment. C'est vrai. Le gap de difficulté, tu le sens pas venir en fait. Ah oui, t'arrives. Bah non, puis si t'arrives dans ta gueule, t'es déjà KO en fait. Tu fais, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Et t'as cru que le jeu était gentil, barak. Je vais pas vous cacher que la première fois que je l'ai fini, j'ai mis, dans les options on peut mettre 99 vies. Il y a un code, je sais plus, mais j'ai fait ça. Pirate. Okay. Et l'autre jeu que je voulais signaler rapidement, qui est connu surtout par les collectionneurs, c'est Three Dirty Dwarfs. Ah oui. Très très bien ça. Qui est un super beat'em all en 2D avec le principe d'avoir trois personnages et que lorsque un est KO, un des deux autres prend le relais et on peut remettre sur pied le personnage KO. Il faut que les trois soient KO pour terminer la partie. Le jeu propose beaucoup. Oui. Pour l'avoir, il va falloir débourser de l'argent. Voilà. Alors, il coûte extrêmement cher aujourd'hui. Il y a d'autres moyens aujourd'hui de jouer à la Saturn, heureusement. Je pense que c'est un jeu qui ne doit pas être trop mal émulé. C'est un jeu qui est très intéressant, qui a plein de phases rigolotes, marrantes, qui changent les unes des autres, qui a un look et un design qui ne ressemble à rien d'autre et qui est une exclue totale. Donc, c'est un look de comics. Hein. Il me semble que ça a été fait par. Je suis en train de regarder justement. Par dessinateur de comics normalement. Je suis en train de me dire, c'est exclu total. Il est peut-être sorti sur PC. Je suis quasi sûr d'avoir vu sur PC. Ouais. Ouais. Il est sorti sur PC, mais apparemment le mode multijoueur n'est disponible que sur Saturn. On peut pas jouer en multi sur PC. Bon, apparemment le designer du jeu aurait travaillé entre autres sur Echo. Vectorman, Mr. Bones. C'est un jeu qui est de Appaloosa Interactive. Voilà. Voilà, ouais. Donc voilà. Et Colibri aussi, apparemment. Et Colibri, oui. Appaloosa, oui. Et donc, ça ne ressemble à rien. C'est un peu même difficile d'écrire le jeu, de toute façon. Oui. Mais ça vaut le coup d'œil. Enfin, après, l'acheter, voilà, Ouais. Non, mais acheter, vous l'oubliez. Franchement, oubliez. Jouez-y en émulation, parce que. Ou acheter un mot 2 de chez Terra Onion. Voilà, c'est... Bah, voilà. Ça vous coûtera à peu près... Moins cher. Ce qui signifie que ça coûte plus de $180. 180 euros. Un Shredder Tidoir. Déjà d'une, il a pas été en plus pressé à beaucoup d'exemplaires, il me semble. Oui, c'est un jeu assez limité. Oui, en pâle aujourd'hui. Ah oui, oula. D'accord, achetez le machin en Terra Onion. Ah ouais, non, mais c'est faux, on oublie. Ouais. La version Jap est encore raisonnable, c'est-à-dire en dessous de 100 euros. Voilà. Pour répondre très vite à Isovian, normalement, oui. Hein. Apple, ah non. Bah. Maman, pas encore. Ah non, Apple, j'avais pas vu. Non, le. Non. Spotify, oui. Podcast Addict, oui. YouTube, oui. À télécharger manuellement, oui, mais Apple, non. J'ai jamais réussi à passer la première étape. Et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Bon, voilà, malheureusement. Peut-être un jour. Et donc, sur le coup, on parlait donc de la concurrence en face sur PS1, donc avec ce Fighting Force. Il y a eu d'autres beat'em all sur PS1 sortis. Il y a eu Crisis Beat, notamment, qui fait partie de ces jeux totalement oubliés, je pense. Je savais même pas qu'il existe. Je sais pas c'est quoi ce jeu, hein, honnêtement. Moi j'aime bien, mais il est tout pourri. Voilà. C'est Boss Dick, hein, de toute façon, comme dès l'instant. Ouais. Non, mais. L'instant où c'est de la merde, il aime. Hein, voilà, voilà. c'est rigolo à jouer, Crisis Beat, mais faut être honnête, c'est pas. Ça fait partie des beat'em all en 3D assez dispensables. J'ai de me souvenir. Ah oui. Et après, il y a eu. Je sais pas si on peut le considérer comme un beat'em all aussi, mais le Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero, mais je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Sans rien, mais c'est de la merde. Essaye de ne pas trop rappeler l'existence de ce jeu aux gens, s'il te plaît, Beyond. Voilà. Merci. Parce qu'il se pourrait qu'un jour. Tu voilà, tu. Rappelez-moi le jour-là. Hein. J'ai joué et je l'ai fini. Ah putain. Wow. Qu'est-ce que c'est pas bien. Si vous voulez rigoler par rapport à ce jeu, la VGN a fait. Je ne pourrais pas t'aider, moi, comme avec Command & Conquer, et venir te donner deux, trois conseils. Hein, là, par contre, Non, mais... j'ai jamais pu. Ah bah j'ai signé, après, hein, j'ai signé. Hein. Ouais. Et donc ensuite, il y a eu pour moi vraiment le step-up du beat'em all 3D, c'était sur la Dreamcast. Avec déjà donc, d'une part des jeux qui font à la fois beat'em all et à la fois qui donnent une idée de ce que sera Smash Bros plus tard avec les deux Power Stone de Capcom. Bah il y a Dynamite DK2. Et après donc on va avoir Dynamite DK2 qui va s'appeler Dynamite Cop en Europe. Ah tiens. Il va y avoir Spike Out qui, alors Spike Out, il est sorti sur Titan, mais est-ce qu'il est sorti sur Saturn, sur Dreamcast, je sais plus. Ou, non, il est sorti sur Xbox, Spike Out. Mm-hmm. Je me souviens pas. Ouais, il avait sorti, c'est un jeu Titan qui n'a jamais été édité Saturn, qui est sorti sur Xbox, qui se trouve sur Xbox, mais c'est un jeu de 1998 comme Dynamite DK2. Et après sur Dreamcast, toujours, on a eu deux jeux vachement bien qui sont Zombie Revenge de Sega. Ouais. Et oui. Je dis. Oui, et le Cannon Spike de Capcom. Donc vas-y, Zombie Revenge, qu'est-ce que c'est, vas-y. C'est un beat'em all avec des zombies. C'est n'importe quoi. Mais c'est tellement jouissif. C'est tellement génial. Putain. Tu vois, c'est pas Fighting Force. C'est un vrai beat'em all. Et ce qui est marrant, c'est que Cannon Spike, c'est un petit peu la même idée. Cannon Spike, c'est vous prenez des personnages de l'univers Capcom. Oui. Et vous les mettez dans un beat'em all qui a des relents de shoot'em up par moment. Et le jeu, il est pété. Il se finit en... voilà. Mais... Ah, il n'est pas gratuit. Hein. Il y a certaines phases qui sont chiantes. Qui sont dures. Il y a des boss qui sont horribles. Mais le jeu, il est cool. Et il est cher. C'est pareil que Naughty Dwarfs. Hein. Ça vaut cher. Malheureusement, pour Cannon Spike, c'est un jeu qui n'est pas très courant sur la Dreamcast. Ouais. On peut jouer notamment avec Camille de Street Fighter ou Arthur. Alto, là. Ah, Arthur qui, d'ailleurs, c'est plus une armure qu'il a. C'est un méca dans celui-là. Hein, si je... Enfin, en termes de compétences, je veux dire... ça veut rien dire. Par contre, t'as oublié un beat'em all hein, sur PS5 qui s'appelle Gekido. Ah, bah vas-y, donc Gekido, je connais pas du tout. Gekido ? Bah, c'est de la merde. Forcément. Non. Non, mais Gekido, en fait, c'est fait par des Italiens de Naples. Et c'est un beat'em up en 3D, mais qui est très, très, très, très mauvais. J'ai été tombé dessus totalement au pif, personne ne le connaît. Mais je comprends. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, tapez Gekido sur YouTube. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. C'est mauvais. Si je me mets à taper des trucs sur YouTube, vous allez tous pleurer, donc je préfère pas. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il est considéré comme l'un des meilleurs beat'em up 3D de PS1. Ah oui, faut pas demander. Gekido. Après, attention, le jeu a été publié par Infogrames. Forcément, c'est bien, quoi. Oh, c'est mauvais, c'est tellement mauvais, mais voilà, Gekido. Yeah. Et je pense que lui, vous le trouverez à des prix heureux. Oui, ça devrait. Ouais, Gekido, tiens, je te donne 10 balles, prends-le. C'est ça, limite, on te la jette au visage, allez. Voilà, juste pour dire que c'était de la merde, etc. D'accord. Mais j'en ai d'autres, hein, de bizarre. Il y en a peut-être aussi un qu'on a, à mon avis, je sais pas, je pense que vous avez même pas connu sur Dreamcast, Sword of the Berserk. Bah c'est si, ça, c'est Berserk. Berserk, oui, tout simplement, oui. C'est non, mais c'est tiré du manga, Berserk. Ah, je connais pas... En fait, je connais pas le manga du tout. Ah non, c'est, bah, c'est le manga de Kentaro Miura. Non, c'est le manga de Kentaro Miura, c'est... Voilà, c'est un jeu tiré du manga. Je connais et le j'adore jeu Sword of the Berserk. J'allais dire, c'était moi, dans mon souvenir, c'était pas mal, parce qu'on me l'avait vu, je l'avais eu en Tipiak, à l'époque. C'est ultra répétitif, mais ouais, si t'aimes le manga, tu passes putain de bon moment, parce que t'as tous les persos. Je connaissais pas le manga t'as du tout. Voilà, t'as tous les persos et tout. Non, Sword of the Berserk, c'est une valeur sûre, mais ça reste quand même destiné aux gens qui aiment le manga. C'est développé par Yux. Ouais. Yux, c'est eux qui ont fait la série les jeux de catch, effectivement. Merci, je cherchais. Ouais. Oui, non, mais Sword of the Berserk, c'est... Moi j'aime beaucoup. Ah, en plus, il doit pas coûter bien cher. Hein. Je sais pas. Vous croyez qu'il va finir un jour son manga ? Miura ? Ouais. Non. C'est... Et je vous arrête tout de suite, il ne joue pas Idolmaster, c'est un mythe. Parce que parce que en fait moi je me suis dit ça a l'air excellent mais ça va être tellement frustrant de jamais avoir la fin que je préfère pas commencer. Du coup avec les problèmes de santé et plein de trucs je pense en parallèle il a beaucoup de mal à le finir. Mais Berserk c'est craqué. Hein. Mais du coup je me dis je préfère pas être frustré. Du coup je lis pas, voilà, tant pis. Donc oui, Chou, c'est tiré du manga. Ok. Vous savez très bien que la Japanime surtout qui est manga et animé. Voilà. Je me suis arrêté au club d'eau quoi. Oui, non, mais c'est très donc, bien. Tu avais joué Beyond ? Non, du tout. Je crois que je n'ai même pas. Il est sorti sur PS2, celui-là, aussi. Il y a un épisode pas. PS2. C'est pas, c'est pas le même. En fait. Ah, d'accord, c'est pas le même. C'est un autre jeu, c'est un jeu différent, okay. Qui est pas mal aussi sur PS2. D'accord. qui est relativement correct. Moi, j'aime bien. Je ne savais pas. On est sur le coup, on va pouvoir aller donc vers la suite qui va être donc sur PS2. Et surtout, donc, qui va, avant de parler d'autres titres, on va parler de ce qui est considéré comme le renouveau du Beat'em All. Et généralement, il y a deux titres qui sont cités comme étant vraiment le moment de la cassure, le moment de on a inventé quelque chose, il y a une transition qui s'est faite. La guerre. D'un côté, Devil May Cry, et de l'autre, Onimusha Warlords, qui sont vraiment considérés comme les deux et qui sont sortis la même année. Et du même éditeur, hein, si je dis pas de conneries. Totalement, ouais. Voilà. De Capcom, ouais. Peut-être même développeur, hein. D'ailleurs, ils ont développé les deux, je crois. Bonne question, développeur. Oui, il me semble. Production Studio 2 et Production Studio 4, donc c'est pas les mêmes studios, mais bon, c'est... ils ne doivent pas être très loin l'un de l'autre. Voilà. Voilà. Et donc, alors, autant Devil May Cry, je pense que Moa ne veut pas nous en parler des heures, autant moi, je n'ai jamais touché Onimusha de ma vie, donc je sais que j'adore Onimusha. Ah bah vas-y Bozik, parce que moi c'est pareil et ça fait partie de mes lacunes, ça, parce que c'est un genre que j'adore et Onimusha j'ai jamais touché et je pense que je rate quelque chose. Quoi. Onimusha c'est Inafune. Ouais déjà. Donc on sait qui c'est Inafune. Hein. On connaît le bonhomme quoi. Je pose mon casque et je reviens dans une demi-heure. Non parce que c'est Inafune mais je pense que c'est Okamoto qui a fait tout le travail et Inafune a récupéré. Oui bah c'est Inafune voilà. Voilà. Bah non mais en fait c'est un beat'em all mais dans le Japon médiéval tout simplement. Ça va pas plus loin et ils ont réussi à faire un truc qui est pour moi beaucoup plus amusant qu'un Devil May Cry. Excuse-moi mais déjà il y a une contradiction. Inafune a fait un jeu où ça parle du Japon. C'était pas le mec qui voulait que Capcom développe des jeux absolument. Ouais, mais ça a été après. Devil May Cry, c'est 2001. Onimusha, c'est quoi? C'est 2000. 2001. Il en était pas encore là. D'accord. Hein. C'est 10 ans plus tard qu'il a craqué en disant qu'il faisait. Donc c'était avant qu'il boit du liquide vaisselle. C'est avant qu'il se fasse lourder par Capcom. C'est avant qu'il. Enfin, voilà, c'est. Ouais, okay. Moi j'ai rien dit. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Onimusha à la base, ça devait être un Resident Evil. Okay. Ah, mais. Japon médiéval. En fait. J'aime beaucoup Biohazard, je crois, un truc comme ça. Ils ont quand même bien raté le coche, quoi. Putain, ils ont mis 15 ans à avoir une idée pour un Resident Evil sur ces consoles, en fait, parce que. Devil May Cry, Onimusha. Non, mais ce qui est bien chez Capcom, c'est le recyclage, effectivement. Ah, oui. T'as une idée, on va annoncer. Mais c'était Devil May Cry, moi, pas Onimusha. Bah Devil May Cry aussi. Onimusha c'était pareil. Hein. Ils avaient une idée de faire. Onimusha c'était ça aussi. Onimusha leur première idée c'est de faire Sengoku Biohazard. C'est de faire un Biohazard à l'air Sengoku. D'accord. Ils se sont dit oh non peut-être pas. Hein, c'est peut-être pas bien. Bah on va faire un autre vrai jeu. Ça a donné Onimusha. Bah, ce qui est pas plus mal. Hein. Parce que moi Onimusha j'aime bien en plus. Il y a Takeshi Kaneshiro dedans. Le Samanosuke, c'est un acteur connu au Japon. Ah, si vous voulez un acteur connu chez nous, il faut jouer au 3, hein, c'est ça? Oui, ah, c'est ça. J'adore le 3. Avec c'est un nanar. Avec Jean Reno, putain. Oui, c'est ça. Donc, ouais, Takeshi Kaneshiro, il a joué avec Wong Kar Wai, il a fait Shunki Express. Avec Zangimu, c'est un gros acteur japonais, quoi. Et un jour, ils ont décidé de prendre et de dire vas-y, on va te modéliser dans Onimusha. Et ça donne des cinématiques qui sont... Même encore maintenant, vous les regardez, les cinématiques sont fabuleuses. Surtout celles du 3. Les cinématiques de Onimusha 3, waouh. Elles sont super stylées. Non, après, ouais, ça reste un beat'em all classique. Hein. Il est ressorti sur Switch, hein, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Il y a eu un remaster sur Switch. Ouais. Je pourrais pas dire ce que ça donne. Faudrait que je me laisse tenter, moi, en fait. Onimusha, il me semble qu'il y a 4 épisodes. Et le 4, épisode canonique. Ouais. Le 4, je dois même l'avoir sur PS2. De toute façon, je dois tous les avoir, il doit me manquer que le 2. Ok. Et les Onimusha ne valent rien à l'achat. Oui, voilà. C'est des jeux qui ne valent rien. Ouais, c'est très très peu cher. Et Yorinator, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que tu considères que Dynasty Warrior est plus proche de Beat'em All, donc un Devil May Cry. bah, c'est là qu'on voit un petit peu bah, voir le style se scinder. Avec d'un côté, donc, ce qu'on va appeler le renouveau des BTA avec DMC et un système de combat qui va considérablement s'enrichir par rapport à ce qu'était le beat'em all avant. Et d'un autre côté, on va voir se développer la branche parallèle avec donc principalement les Musou, Dynasty Warrior et Drakengard, qui sont des Musou. Donc le principe, c'est une technique assez limitée, mais par contre, on trucide par millions. Voilà. C'est souvent très jouissif, les Musou. Le problème. À petite dose. En à fait, petite dose. Le. Alors c'est assez rigolo parce que c'est moi j'adore hein, buter les trucs par 15 milliards, hein, c'est excellent. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que tu te rends compte que c'est vraiment, je trouve, hein, le gameplay 2D transposé 3D les Musou en fait. Et là-dessus je rejoins Imbrinator, je pense que les Dynasty Warriors effectivement ils ont plus le feeling, bah, le feeling la bagarre. Que un autre jeu, que un Devil May Cry par exemple. Mais par contre Devil May Cry, il a porté... Déjà, il y avait une ambiance, hein, Devil May Cry. Hein. Faut pas se cacher. Cette espèce de série B, enfin, c'était totalement assumé. Hein, donc, c'est pour ça que ça rend bien. Et la technicité rendait, moi, je trouvais le jeu vraiment fabuleux, vraiment fabuleux. Et c'était un peu le. Il y a un scénario. Un vrai scénario. Ouais. Avant, dans les beat 'em all, les scénarios, ils sont de base assez classiques. Là, dans Devil May Cry. Il y a quand même une caractérisation, une histoire, il y a un background pour les personnages. Mais là où dans les Musou, il y a pas grand chose. Alors je sais plus si c'était avec celui-là ou avec un autre, mais en gros, voilà, ils avaient dit que Devil May Cry, oui, tu peux finir le jeu, mais le but, c'est de finir le jeu avec style. C'est-à-dire apprendre le système de combat, essayer de faire des combos. D'ailleurs, on était noté à chaque combo qu'on entamait, hein, on avait une note. Donc ça apportait. Voilà, il y avait beaucoup plus de variété dans le style de combat d'un Devil May Cry, avec plusieurs armes, plusieurs pouvoirs, plusieurs éclairs, que dans un Musou, où là c'était vraiment vas-y, franchement, je t'envoie 15 000 ennemis dans la tête, déboîte-les. En plus, il me semble que le premier Musou sorti sur PS2, c'est pas Kessen. Et ben je. Parce que Kessen est sorti très très tôt à PS2, c'est limite l'un des jeux de du line-up Kessen. Hein. 2001 sur PS2. Ah donc c'est avant. Hein. Mais Dynasty Warrior 2 doit être aussi de 2000. Donc, Attends, parce que j'allais dire le 1, Dynasty Warrior 1, il est sorti quand celui-là? Sur PS1. Et c'était sur PS1 déjà, hein. Oui, hein. Oui, c'est ce que j'ai, on a un petit peu zappé celui-là parce que. Oui, Dynasty Warrior c'était sur PS1. Parce que c'est un jeu de combat. Mais c'était pas un jeu de combat. Ah, c'est un jeu de combat. C'est pas un beat'em all, c'est un jeu de combat 2D. Hein. D'accord, ah, c'est possible ça. Parce que jamais... Le premier Dynasty Warrior n'est pas un Musou. Le premier Dynasty Warrior c'est un jeu de combat, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est pour ça que j'en entends jamais parler. En la bagarre. Ouais, on voit. Ah ouais, effectivement, oui, sur PS1, ouais. Oh, et c'est un jeu. Oui, en 3D, effectivement. Ah. Donc... La bagarre, c'est après. Ouais, donc c'est la bagarre à grande échelle. C'est pour ça que je n'en entendais jamais parler, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. Oui, voilà. C'est d'accord. Comme ça, ouais. Et apparemment, il avait été plutôt petit, bien noté. Enfin, en même temps, Joypad, c'est pas non plus une référence, quoi. Il s'agit de la notation, on avait noté 93%. Joypad, c'est pas eux, là, dont j'ai envoyé le... l'extrait de magazine là qui disait que Castlevania 64 allait défoncer Symphony of the Night. Je crois que c'est eux. Je suis fatigué. Au niveau d'un pointeur, parce que bon, il y avait le renouveau des BTA d'un côté et les Musou de l'autre, mais il reste quand même des jeux des BTA beaucoup plus classiques, et notamment en 2003, je voudrais juste en citer un qui est sympathique à jouer et qui est très old school dans ses façons de voir les choses, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Parce qu'il n'y a pas souvent des adaptations correctes de films. J'ai jamais joué. Et ben c'est un jeu qui est sympa. Voilà, c'est un beat'em all à l'ancienne. C'est un petit peu, qu'on pourrait dire, les vieux beat'em all Capcom qui seraient passés en 3D. Quoi. Ah, c'est chouette, je peux pas en parler, j'y ai jamais joué, je vois même pas. Un petit peu comme si vous jouiez au Donjons et Dragons CPS2, mais en 3D. Avec les personnages du Seigneur des Anneaux, voilà, c'est rigolo. Par contre, on est toujours sur PS2 là. Oui, on est toujours sur PS2. Et PS2, GameCube, Xbox. Voilà. On peut parler du renouveau d'une franchise exceptionnelle du BTA. Ah. Qui d'entre vous ici se rappelle de Final Fight Streetwise? Oh non. Il faut en parler. Je me sens pas bien, je vais rentrer chez moi. Alors ça me dit rien, mais vu la réaction hyper enthousiasme de Monsieur Chou, j'ai envie d'en en savoir plus. C'est de la merde. Je vais me répéter, c'est de la merde. Et celle-là, elle est fumante. Alors autant des fois tu as des merdes sans goût, là par contre... celle-là, elle est pas bonne. Ah non, elle non, là... C'est... Alors le jeu, voilà, parce qu'on va considérablement plus loin dans le temps. Il est sorti en 2006... Déjà. Okay. Ah oui, donc après tout ce qu'on vient de dire là, c'est ça? Oui, non, mais je voulais juste qu'on le place maintenant, comme ça, on évacue maintenant. Alors, d'entrée pour commencer, il existe. Le jeu est développé par Capcom Production Studio 8, un truc que je ne me souviens même plus qu'ils existaient, pour la version PS2, mais pour la version Xbox, c'est une division de Sega Studio San Francisco. C'est pour vous citer un peu le truc. Bah, ça se voit qu'il a été fait par des Américains. Quoi. Voilà, c'est. Au niveau du développement, c'est particulier. Et vous allez voir la gare, vous allez pleurer du sang. D'accord. Et je l'ai fini. Ah, tu l'as fini, parce que moi je l'ai eu aussi. Moi je l'ai eu en tipiac sur Xbox. Attends, c'est pas ce jeu où t'as des problèmes de sauvegarde, genre le jeu softlock et. Bah, il y a plein de problèmes. Le jeu était pas fini, il était plein de coincé dans des murs. Je crois que c'est ça. Juste pour donner une idée, jeuxvideo.com à l'époque a mis 7 sur 20. Oui, c'est ça. Ah oui. En fait, non, c'est ça. Le jeu sauvegarde uniquement quand tu décides de quitter le jeu. C'est ça. Je me souviens. Ah, c'est pas bien moi là. C'est juste pour dire que ce jeu a existé. Ils ont fait un Final Fight en 3D. Tout le monde l'a oublié, mais à juste titre. C'est de la. Eh bah. Ben. Bon. Voilà. Pour revenir un petit peu en arrière, juste mentionner un autre jeu. Après, on revient donc au début, enfin début non, au cours de cette génération Xbox, PS2, tout ça. Donc, suite au bouleversement qu'a créé Devil May Cry, il y a une autre société qui s'est dit tiens, leur idée elle n'est pas mauvaise, on va essayer de faire la même chose. Et on va, pour la même occasion, on va en sortir une vieille franchise et on va la moderniser et donner quelque chose qui pourrait, voilà, qui ressemble de loin à Devil May Cry. C'est donc la Team Ninja qui a créé en 2004 le jeu Ninja Gaiden pour Xbox. Et alors là. PTSD. Et alors là, et apparemment, moi j'ai fait la version PS3. On m'a dit ouais, mais c'est pas la vraie, donc j'en ai conclu qu'elle devait être plus simple que la version Xbox, j'en sais rien. La version Black. La vraie version Xbox, c'est Ninja Gaiden Black qui est. Pleure du sang. Mais voilà. Ce jeu était d'une difficulté insondable. Hein. Waouh! Oui, j'ai eu très très mal. C'est un enfer. Moi je dirais pas un enfer. Parce que le gameplay, il est aux petits oignons. Vraiment, le jeu. Ah, mais c'est pas le gameplay le problème. Il te donne toutes les armes pour le finir. Le problème, c'est qu'il a donné les mêmes armes aux adversaires. C'est ça. Le jeu, il est frustrant. Parce que dans un jeu vidéo, on te dit ouais, t'es un ninja et tu vas combattre un char d'assaut avec ton épée. Dans un jeu vidéo, tu te dis ouais, ça passe. Mais quand tu as fait le début de Ninja Gaiden, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais très bien que le char il va avoir la résistance d'un vrai char d'assaut. Il va tirer des vrais missiles de char d'assaut qui te tuent d'un coup. Par exemple, voilà ce genre de conneries là. Donc, Non, parce que les gens, tu sais, il y a des gens qui pleurent sur la difficulté de Dark Souls. Ah non, c'est. Mais je crois qu'on en avait parlé dans un podcast. Allez jouer à Ninja Gaiden Black. Dans un podcast, je pense qu'on avait fait. On parlait de la difficulté dans les jeux vidéo, justement. Et moi, j'avais dit que pour moi, ça, c'est vraiment, je crois, le jeu le plus dur auquel j'ai joué. Pour juste le finir, en fait. Tu vas pas chercher les défis 100%, le machin. Juste le finir. Je crois aussi. C'est celui qui m'a peut-être le plus frustré. Par contre, j'ai jamais ressenti de frustration. Mais. Parce que j'aimais bien le maniement. Il y a certains boss qui m'ont fait péter. J'aimais bien le maniement du jeu, quoi. Je confirme Ninja Gaiden Black, la difficulté, c'est absurde. La première fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe hein. Oui, non, mais totalement. Totalement. Ouais. Mais ça, en fait, c'est quand même un très bon jeu, par contre. Ça, on peut pas l'enlever. C'est... Oui, il est bien, mais ils ont vraiment. Leur idée, ça a été, on va prendre vraiment un vrai ninja, un être humain, mais qui va combattre des trucs bah, d'autres êtres humains, mais déjà à un niveau égal, chaque ennemi à ton niveau, en gros, à peu près. Et puis des fois, il va combattre des dragons, des chars d'assaut, des trucs surréalistes. Et... Des boss féminins avec des poitrines. Ah oui, des alors, mesures, putain, ça veut rien dire, ça. Mais ça, c'est Team Ninja, ça. On peut, non, parce que non, parce que les gens qui connaissent pas Team Ninja et qui connaissent pas ce jeu-là, ne soyez pas étonnés quand vous allez voir les personnage féminin. Ah oui, c'est Dead or Alive, hein, des Team Ninja aussi. Hein. Donc voilà, vous savez à peu près l'idée, quoi. Voilà. Bah d'ailleurs, le perso, Ryu Hayabusa, c'est le perso, ça, il est jouable dans Dead or Alive, c'est Ninja de Dead or Alive. Donc, merci Ninja Gaiden Black pour mes fesses. Et en même temps, sur GameCube, on va aussi avoir droit à un renouveau on va dire du beat'em all, grâce à quelqu'un qui s'appelle Hideki Kamiya. Un renouveau, je n'irai pas là jusque-là. Un renouveau. En tout cas... On revisite les classiques, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, avec Beautiful Joe. Ouais. Ah oui, lui aussi, la difficulté qui trouve parlant dessus. De difficulté. Alors, Beautiful Joe, c'est un peu pareil. Si tu n'as pas maîtrisé... Le jeu... Alors, moi, j'ai adoré Beautiful Joe. Déjà, c'est l'ambiance un peu Sentai, enfin Tokusatsu en tout cas à la limite. Avec du cel shading. Avec du cel shading. Donc forcément, je ne pouvais que aimer ce jeu. Le gameplay est vraiment très nerveux. Très, très, très nerveux. Là, on retombe vraiment sur du beat'em all façon justement années 90. Mais avec des gimmicks que tu trouves pas, accélérer le temps. Ah, mais par contre, voilà. Le gimmick du jeu, c'est que tu es du coup sur une bobine de film. Et du coup, tu peux accélérer le temps, tu peux ralentir le temps, tu peux faire un zoom, ce qui fait que tu as plus de puissance. Et si tu maîtrises pas ces techniques-là, le jeu, il te défonce. Point bas. Ah, mais le jeu est très très dur. Il y a des boss qui sont sans pitié. Même pas que des boss. Il y a des passages de plateforme où il faut ralentir le temps. Waouh. Bah, un truc qui a écrémé pas mal de gens que j'ai vu jouer à ce jeu, moi, c'est le premier demi-boss hélicoptère. Où en gros, voilà, le jeu il te dit, vas-y, mais maîtrise-moi, maîtrise mes mécaniques, hein, sinon tu le passes pas ce truc. Mais ça reste. Par contre, quand tu as compris comment ça marche, vraiment le jeu il est agréable et tu roules pas dessus, mais ça se passe beaucoup mieux, beaucoup beaucoup mieux. Donc, on oubliera la version GBA. Il y a une version PS2. Oui, qui est relativement correct. Mais on en avait déjà parlé de ce jeu dans le précédent podcast sur les beat'em up, on va le rappeler. Hein. Mais la version PS2 est en 30 FPS alors que la version GameCube a atteint les 60. Elle s'en sort avec les honneurs. Le jeu reste pareil. Mais après, bon, voilà, moi sur un jeu comme ça, un jeu nerveux, 60 FPS, je préfère quand même. La version DS, apparemment, elle est pas dégueulasse. Et elle utilise bien les capacités de la DS. Je l'ai pas faite, je la ferai un jour, j'essaierai. Et il a eu une suite aussi, le 2. Full Joe 2. Que je connais assez peu. Que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Mais bon. Lui, par contre, sur PS2, vous allez le trouver à pas grand chose. Par contre, sur GameCube, il me semble qu'il est un peu plus cher. Ouais. Alors sur GameCube, d'ailleurs, encore un trivia nul et inutile. Beautiful Joe sur GameCube existe en deux jaquettes différentes, une rose et une jaune. Exactement. Ouais. C'est le même jeu. J'ai assez rarement vu la jaune. En fait. Je sais pas. J'ai laquelle, moi. J'en ai pas la même idée. Attends. Et donc surtout qu'on va en continuer avec donc le genre beat'em all qui va continuer à se développer. Et ben c'est la jaune que j'ai. L'époque PS2 le succès de la PS2 aidant, on va avoir masse suite donc à Beautiful Joe, Devil May Cry, Dynasty Warrior, tout ça. On va avoir plein de suites. Onimusha aussi, il va avoir plein de suites. Mmh. Voilà, et là on commence vraiment l'exploitation vraiment du genre. Et quelques représentants beaucoup moins connus comme Genji, comme moins connu aussi chez nous la série des Sengoku Basara qui va avoir plus de succès au Japon que par chez nous. Largement, et qui a même un anime dédié totalement, qui est très très bon d'ailleurs. Sengoku Basara, j'aime beaucoup. Putain. Et en 2000. Square Enix qui sait des choses. Squaresoft d'ailleurs encore, The Bouncer, et... je crois. Et non, mais on peut en parler très très vite. Hein. C'est un The Bouncer, c'est un BTA de merde. Voilà, on peut passer. Merci. Et en 2005, il y a un petit jeu qui va sortir, qui va faire connaître un petit studio qui s'appelle Santa Monica. Ah ouais. Où ils ont décidé de reprendre le Beat'em All aussi et de dire bah écoutez on va nous notre vision de Beat'em All bah, c'est ça. Donc ils ont mis à chasser. Et donc sur le coup sort God of War. Donc comment dire, God of War quand il est sorti techniquement c'était un peu qu'est-ce qui se passe hein. Bah, mais alors moi déjà premier point, God of War quand il est sorti j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je sais pas si c'est parce que j'ai vécu dans une grotte ou quoi, mais c'est un jeu, j'ai vu, je me suis dit, bon, que c'est que ça, je connais pas. Tu sais, je voyais la jaquette, bon, le gars baraque, musclé, avec des épées, je me suis dit, oui, bon, ok. Et puis en fait, je te laisse continuer si tu veux. Non, voilà, alors God of War... L'intérêt de God of War, contrairement à Ninja Gaiden en Beautiful Joe, comme on a dit, ou Devil May Cry, c'est que c'est pas du tout un jeu qui est là pour vous demander de faire des manipulations extrêmement complexes, soit pour vous en sortir, soit pour faire des trucs stylés, mais qui est juste là dans un but purement récréatif, un petit peu comme voilà, comme si vous regardiez un film à grand spectacle avec des parties interactives où vous allez devoir utiliser des armes qui rapidement vont prendre à peu près les deux tiers d'écran pour aller chercher des ennemis de l'autre côté de l'écran. Allez, âme du chaos, c'est quelque chose. Et des boss d'une taille absolument incroyable avec des mises en scène fantastiques à l'époque. Waouh wow, quoi. Genre waouh, genre la PS2 tout à coup qui arrive là en mode ouais, ben alors finalement on peut faire des jeux. Bah, les décors fabuleux, les musiques. David Jeff, il a fait du bon taf avec. Faut quand même aussi admettre que t'avais vraiment cette ultra-violence. C'était presque jamais vu hein, dans un jeu de ce genre. Qui atteindra son paroxysme avec le 3. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'un beat'em all comme ça n'est pas... Il y a eu très peu de beat'em all vraiment où t'avais des tripes qui volaient ou des éviscérations, ce genre de truc. Parce que la représentation comment graphique se prêtait pas particulièrement. Ah merci à ça. Merci comment il s'appelait sur Wii ce beat'em up comme ça? Mad World. En noir et blanc, merci Mad World. Ah bah ça on pourra en parler un petit peu. Ouais mais lui c'est un je sais même pas si c'est un BTA en arène, c'est un jeu d'arène, c'est super, c'est un mix. Techniquement, ouais, c'en est un. C'est un mix de tout, Mad World, mais j'aimais bien Mad World. Ouais, c'était cool. salut les gens qui arrivent. Bonjour les gens. Wow, Red, salut les gens, welcome. Et d'ailleurs, soit dit en passant, petite anecdote, le premier jeu de Santa Monica, c'est un jeu qui s'appelle Kinetica. Voilà. Qui est un espèce de jeu de course. Ça me dit rien. Vous n'avez jamais entendu parler de Kinetica? Ben moi non plus. Ouais. Non mais déjà que je suis pas un grand amateur de jeux de course. Alors si tu m'en sors un obscur. Et avec ça donc bon sur le coup ça va mettre vraiment Santa Monica sur le devant de la scène comme un des plus puissants studios Sony et ben, sur le coup là on va commencer à plus pouvoir trop dire que la PlayStation n'a pas d'exclusivité puisqu'il va commencer à avoir comme ça des cadors de la programmation qui vont nous montrer, alors surtout on peut en parler rapidement avec sa suite God of War 2 qui est voilà, je fais partie de ces gens moi qui ont tellement aimé la Dreamcast que j'ai toujours regardé la PS2 en mode poker face, en mode mais elle fait pas mieux que la Dreamcast. C'est vraiment le jour où j'ai joué à God of War 2, je me suis dit ah si quand même là ouais. La séquence d'intro du 2 elle veut rien dire, putain c'est Bah, est-ce qu'on peut le considérer comme le plus beau jeu de la PS2? Ouais, très sincèrement, ouais. Parce que même encore maintenant, en y rejouant, je suis toujours autant impressionné par la profondeur du décor. Tous les petits détails. En fait, il y a plein de petites arnaques de programmation et d'optimisation qui font que. Mais c'est quand je parle d'arnaque, c'est vraiment avec bienveillance. Hein. C'est-à-dire, c'est génial, en fait. Parce que tu le vois pas, toi, tu vois vraiment une petite scène titanesque. Et ça rend le jeu assez dantesque, ouais. Faut aimer le genre. Hein. Enfin. Faut aimer ce genre de jeu, mais ça rend la... Enfin, c'est vraiment épique, quoi. Et c'est la... Ah, on l'a pas dit, mais c'est un jeu qui se passe vraiment aussi dans la Grèce antique, qui avait été assez peu exploité par le genre, il faut bien le reconnaître, hein. T'as eu... Altered Beast. Et puis... Battle of Olympus. Ouais, puis voilà. Peut-être Rigard, non? Si, Rigard, ouais. Ah, donc en fait, je dis de la merde, en fait, donc je me tais. Oui, mais ça, c'était sur les anciennes générations. Mais, bah oui, bon, sur une nouvelle, ouais. Ouais. Voilà, quoi. Et juste pour donner une idée, un petit point de comparaison, God of War 2 est sorti en 2007, donc en mars 2007, soit la même année que Heavenly Sword sur PS3. Mais... Voilà. Heavenly Sword, c'est quel studio, ça? Ninja Theory. C'est Ninja Theory, Theory. Ah, Heavenly Sword, justement, son gros problème, c'est que bah il est sorti la même année que God of War 2, en fait. C'est con. J'y ai jamais joué. J'y ai joué et... C'est pas que le jeu est mauvais, hein, mais... Il est mauvais. Médiocre, je dirais médiocre. Ça va. T'es trop gentil, moi. Bah non, parce que j'ai pas passé un mauvais moment, donc je peux pas dire qu'il est mauvais, mais j'ai pas non plus, je l'ai fait, c'est fait. Voilà. J'avais quand même une question. Aussitôt oublié. J'avais une question à vous poser parce que quand je cherchais justement des beat'em all à faire sur PS2, j'ai eu une époque comme ça, je voulais la refaire il y a 5 ou 6 ans, et beaucoup de gens m'ont parlé de The Mark of Kree. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît? Parce qu'apparemment ce jeu a une super réputation, mais j'ai jamais trouvé quelqu'un qui y a joué, donc. Je trouve ça relativement correct, c'est agréable à jouer, mais ils n'ont pas fait une version remasterisée sur Wii ou sur... Non, tu confonds avec The Legend of Kai. Ah oui, peut-être, ouais. C'est The Mark of Kree, il n'y a pas eu de remaster. C'est le type avec des tatouages, non? Oui. Ouais. Bah, oui, bah, oui, je l'ai fait, oui. Bah, c'est relativement correct. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est un truc avec lequel tu passeras un bon moment. Ok, bon, je verrai alors. Et je pense qu'en plus, tu peux le trouver à un prix ridicule. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances. Comme pas mal de jeux PSE. Ouais, je vous laisse vaquer à votre discussion. Non, c'est-à-dire, le truc... Les choses ont pas mal continué, encore une fois, avec le lien entre la génération PS2, Xbox, GameCube, et ensuite PS3, 360... Et oui, enfin PS360 surtout. Les choses ont continué tranquillement avec énormément de suites. Encore une fois, où voilà, enfin on va avoir droit à du. Il y a Devil May Cry 4 qui va arriver. Il va y avoir du. Il était excellent le 4. Hein. C'était pour moi, c'était l'aboutissement de la saga et il avait placé la barre encore une fois très très haut. Du Dynasty Warriors, du Ninja Gaiden. Et moi, j'aimerais qu'on parle d'un jeu, quand même. Vas-y. Un jeu de lancement de la Xbox 360, parce que c'est super important, parce que je sais qu'ils nous écoutent, donc je vais leur faire passer un message. Vas-y. Cameo Element of Power. Mm. Bah oui, c'est un jeu de Rare, non ? C'est le dernier jeu Rare, on va dire, où ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu, où ils ont fait ce qu'ils voulaient, voilà. Enfin, qui est un bon jeu. C'est un bon jeu. J'ai jamais joué. En fait, c'est vraiment un jeu... C'est un jeu vitrine. Vous savez, quand une console elle sort, il y a toujours un jeu vitrine, tu vois. Alors des fois, le jeu vitrine, il est, ça s'appelle Rise et c'est de la merde. Et des fois, le jeu vitrine, il est bien. Et il s'appelle Cameo. Il y avait, pas de la merde. C'est pas de la merde, Rise. C'est juste que le mot vitrine, ils l'ont pris argent comptant. Vitrine, ouais, voilà. Tu regardes. Et en fait, c'est un jeu où tu as vraiment. Il disait, regardez, notre console elle est plus puissante, donc on peut mettre plein d'ennemis. Et des ennemis bien modélisés. C'était bizarre. Ils ont voulu dire, en gros, on fait... Des couleurs fabuleuses. En gros, ils ont voulu dire, on invente un truc, alors que le Musou existait déjà. Hein, mais on invente un truc. Mais par contre, regardez, c'est super beau, en plus. Et c'est vrai que le jeu, il est beau. Et le gameplay est sympa. En fait, on peut prendre le contrôle de plusieurs créatures. Je crois qu'il y en a une dizaine au total. Chacune avec des pouvoirs différents. Et ça donne lieu à des joutes assez démentes, assez épiques. Et je voulais juste dire ça, le jeu se termine sur un cliffhanger. Il n'y a jamais eu de suite. Et Microsoft, après, leur a demandé de faire des avatars Xbox. Donc, si quelqu'un m'écoute, je veux une suite à Cameo. Et je déconne pas, je veux vraiment une suite à ce jeu, s'il vous plaît. Moi, ce qui m'avait marqué dans Cameo, c'était les couleurs. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Des flashy. Enfin, flashy, mais pas trop. C'est... Ouais, non, non, mais... Le jeu est beau. C'est trop vraiment... Il y a un autre jeu que Rare a sorti en même temps que... Enfin, oui, quasiment en même temps que Cameo, qui est censé aussi être une vitrine pour la 360, c'était Perfect Dark Zero. Oui, alors, ils ont mis beaucoup de budget sur Cameo. Voilà. Attends, tu sais quoi ? Perfect Dark, je l'ai poncé. Quand j'ai vu qu'il sortait sur 360, je l'ai acheté avec un pote. 10 minutes. Et on l'a plus jamais retouché. Ah merde, ah putain, à ce point-là. Non, en plus, j'ai jamais joué ni à Perfect Dark, ni à Perfect Dark Zero. Le ratio du t'achètes un jeu, tu joues 10 minutes, j'ai connu beaucoup de jeux comme ça sur 360. C'est l'une de mes plus grosses déceptions. L'une de mes plus grosses déceptions. Vu comment j'aime Perfect Dark, et vu comment j'y ai beaucoup joué. Ah, moi, c'était KOF 12, comme ça. Je l'ai mis dans ma console, je me suis dit, c'est quoi cette merde ? J'ai ramené au magasin. Heureusement, ils ont fait Cameo. Oui. Il y a un autre jeu aussi qui est sorti au début, enfin au début, non, pendant la première année de l'exploitation de la Xbox 360, un autre beat'em all qu'on a tendance à oublier un peu, mais pareil, la série a évolué aussi avec le temps. Ben, c'est encore notre copain Inafune qui est aux commandes en tant que producteur. Oh, ouais. C'est Dead Rising de Capcom. C'est vrai qu'en termes de massacre de masse, il se pose là, lui. Ouais. Dead Rising, perso, je trouvais le jeu très fun à jouer. Bah évidemment, je veux dire, tuer du zombie avec absolument n'importe quoi qu'on peut trouver dans le décor. Surtout te faire se jouer ça dans un hypermarché, une référence, un réalisateur qu'on n'a pas nommé, voilà, oui, évidemment. Bah, c'est même plus une référence à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord. Par contre, moi, ce qui m'a toujours dérangé avec Dead Rising et que je ne supporte pas, c'est la limite de temps imposée. Qui me stresse, mais over the top, qui fait que. Ben, c'est pour ça que j'aime pas le jeu. C'est pour ça que j'aime pas le jeu. Le jeu te donne des fois plusieurs objectifs en mode, t'auras pas le temps de les faire les deux. Et alors là. Ouais, c'est... Je suis dans le même cas que toi, c'est pour ça que j'aime pas le jeu, c'est cette contrainte de temps qui m'empêche de jouer. C'est sûr. C'est pas désagréable. Donc sur le coup, parce que ouais, la série a pas mal continué, mais ça vous a pas plus marqué ça. Dead Rising? Parce que j'avoue, j'ai joué au 3 un peu, mais... J'ai joué qu'au premier. Voilà. Je sais qu'ils ont fait un épisode sur Wii, qui s'en sort pas si mal, par rapport à la Wii. J'ai d'ailleurs le premier, il me semble. C'est le premier sur Wii. Hein. Oui. Qui s'en sort relativement bien. Non, non, mais l'idée est bonne. Après, c'est un jeu que j'ai vu plus en let's play que jouer moi-même. Et le 3 en let's play, c'est rigolo à voir. J'ai pas joué d'ailleurs, moi, ouais. Je crois que c'est avec le 2, ils ont... Enfin, quand tu as commencé à pouvoir faire des combinaisons, crafter des armes et tout, ça rendait le truc vraiment what the fuck, quoi. Non, en plus, il y a le 4, il est sorti, mais les 4, il est sorti sur 4, du moins sur Xbox One, non ? Oui, sur One et PS4. C'est, ouais. C'est le 3 qui est une exclue One. One. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un BTA inconnu ? Ah bah, fais-toi plaisir. Ah putain, vas-y, sors-nous un truc. Parce qu'il y en a toujours, il y en a toujours. En fait, je me disais, j'ai pas beaucoup joué sur PS2, c'est vrai que j'ai pas joué énormément. Mais sur 360, il y en a un. Vous connaissez Ninja Gaiden ? On en a parlé. Mm-hmm. Mais... Est-ce que vous connaissez sa copie Made in From Software ? Non, j'ai peur. Ninja Blade. Ninja Blade, ouais. Ah, le jeu à QTE. Le jeu à QTE, un nanar comme... C'est même plus un nanar à ce niveau-là. C'est Ninja Gaiden sous stéroïde, écrit avec le cul, et avec quasiment que des QTE. Mais putain, qu'est-ce que tu t'amuses. Non, j'avoue. Je n'y ai jamais joué. J'avais fait la démo et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air un peu over the top quand même. Ah, c'est du from, c'est du from software. Tu comprends pas. Ils font vraiment tout et n'importe quoi, ce studio. C'est... Après, oui, Ninja Blade, c'est pas super difficile, c'est super jouissif. Faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, mais tu passes un bon moment, les cinématiques sont totalement pétées, ça veut rien dire. C'est un jeu qui a été accueilli à. Ça sortit relativement correctement, mine de rien. En parlant de jeu correct, un rigolo. Le personnage a un bandeau sur un œil, des cheveux gris. Ça c'est une IR, ça. Non. Il a une épée. Moi je pense savoir. Metal Gear Revengeance. Tout le monde l'a oublié celui-là. Non, bah pas moi. Alors, non, mais on l'oublie pas, mais celui-là celui-là, on va en parler plus tard parce qu'il est exceptionnel. Moi, je l'ai surkiffé. Ah bah pareil. Mais moi aussi, mais parce que c'est mon meilleur. Non, mais alors attends. J'allais faire deux liens. On va revenir là. On va en parler juste après. D'accord. On va revenir là où était Boss Dick, l'année 2009, où Ninja Blade est sorti. Bah, 2009, c'est l'année où il y a un petit studio qui va être créé et commencer à faire un petit peu parler de lui avec quelques jeux sortis au pif comme ça. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de Mad World sur la Wii. Ouais. Mais Platinum a également sorti en 2009 notre beat'em all qui va légèrement faire parler de lui, qui s'appelle Bayonetta. Ah, ah oui, effectivement. Ouais. Jambon de Bayonetta, GG Hybridator. Ah, Bayonetta, Elena Noguera, c'est sûr. Eh bien, Bayonetta, c'est quoi? Bayonetta, c'est... C'est une longue histoire. Alors, c'est à la fois un des beat'em all les plus techniques et intéressants en termes de gameplay qui soit, et à la fois un des trucs les plus n'importe quoi en termes de scénario, de fanservice et de... J'ai jamais croisé personne qui m'a dit « Ah, Bayonetta, oui, moyen ». C'était toujours « Ah, c'est trop bien, ah, c'est vraiment nul ». C'est un jeu qui divise, il n'y a pas de juste milieu. Bah ouais. En fait, moi je suis plus mitigé que ça en fait. Ou alors, tu as joué ou pas du coup? Ouais, pas longtemps. Ouais, bah donc voilà. J'ai joué quoi? J'ai joué une heure ou deux. C'est sympa, mais... Après, c'est la version PS3. Alors, le problème de Bayonetta, c'est que sa version PS3... Non, mais la version PS3, il faut... Elle est... D'accord. Elle a été bâclée, en fait, et du coup... Ah, d'accord. Je ne savais guère. Baisse de frame rate... La version PS3, elle est à bannir, véritablement. Ah, moi, j'ai fait 360, ça. Bah, ou maintenant, regarde, il y a tellement de moyens de jouer maintenant au jeu. À l'époque, hein. Je parle de l'époque. Maintenant, bah, tu peux y jouer sur Wii U. Oui, et maintenant tu prends, t'achètes la compile PS4 ou One, Vanquish, PS.io. Ou sur PC. Sur PC ou voilà. Sur Switch. Importe, sur One X, même pareil, ça tourne à 60 FPS. Bah, moi j'avais acheté le truc 1 et 2 pour y jouer sur Wii U. Parce que j'aime beaucoup Bayo. Voilà, il y a des moments que j'ai adoré, il y a des moments où j'ai franchement, enfin voilà, la séquence hommage Afterburner par exemple. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, quand ils ont une idée, Platinum Game, ils la tirent. Mais trop. Genre la moto. La moto, c'était trop long. Tu l'as dit là, quand tu chevauches l'avion là, c'est trop long et tout. Et alors que t'as juste envie de retourner au gameplay de base, qui est vraiment tellement bien. C'est juste tellement trop bien. Les combinaisons de touches, les esquives, la fluidité, le dynamisme. Les combats de boss totalement. Les trucs épiques, les musiques de ouf. Time to the Moon chanté par Elena Noguera. Ouais, voilà. Et le pire, c'est que ça rend bien. Mais... Oui, c'est génial. En plus, j'aime bien Elena Noguera, donc je suis content. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui est épique, mais qui a, effectivement, moi je suis d'accord, hein, t'as des phases, tu te dis, bah non, faites pas ça, quoi, enfin arrêtez. Vous ferez mieux pour le 2. Et puis, bah en fait, dans le 2, bah, ils font pareil. C'est la même. Ils font pareil, c'est-à-dire que du coup, bon, bah, c'est aussi bien que pas bien, quoi. Mais moi, c'est un jeu qui m'a. Enfin, pour moi, c'est un jeu fondateur. C'est un de mes jeux qui m'a redonné goût aux jeux vidéo en 2010, quoi. Moi, j'ai passé un pur moment avec. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Ah ouais. Pour ça que le 3, j'attends. Ah bah, je sais pas combien de temps on va l'attendre, celui-là. Un petit moment quand même, ouais, effectivement. Et c'est pour ça que, donc, sur le coup, bah, dans ces années-là, on va commencer donc, à voir pas mal de beat'em all apparaître, et surtout du beat'em all matinée avec plein d'autres choses, puisque on a d'un côté donc, Konami qui va confier son Castlevania à Mercury Steam, qui en fera un beat'em all. Un mélange de plein de jeux. Voilà. Mélange de plein de jeux, mais même si ceux qui ont joué au Castlevania sur PS2 savent que c'est pas Castlevania n'est pas passé d'un jeu de plateforme à un beat'em all comme ça. Hein. C'est, voilà, bah non, il y a eu des versions 64 avant. Et ensuite, il y a eu Dante's Inferno. Ah, elle est de retour. Oui. Dante's Inferno par Visceral Games, qui a aussi fait pas mal parler de lui comme un jeu de qualité. Ouais. Je sais pas si vous y avez joué. Moi, j'y ai joué. J'ai fini. J'ai toujours trouvé que c'était un sous God of War, un sous tout ce que tu veux. Pas un mauvais jeu en tant que tel. Ils souffrent trop de la comparaison avec ce qu'ils ont. Oui, et c'est à cause de sa date de sortie. Mais par contre, je l'ai trouvé beaucoup plus trash, moi, qu'un God of War. Alors, il est très, très... Oui, parce que... Bah, les cercles dedans, toi. Mais le problème qu'il a, moi, ce que je trouve, c'est que le jeu, il commence très bien. Et qu'il finit en autre boudin. Très bien et très fort. Et en fait, il s'écroule totalement à la moitié, quoi. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que comme s'ils assumaient plus au bout d'un moment tout ce qu'ils avaient commencé, quoi. Mmh. Ou qu'ils trévouaient plus de nouvelles idées graphiques pour la représentation des cercles de l'enfer, quoi. Mmh. Et voilà, parce qu'au début, il y va, tu fracasses les bébés non baptisés, Cléopâtre c'est ce genre de truc, tu dis... Plus gore que God of War, quand même, je trouve. Que les deux premiers God of War. Parce qu'après, God of War, il a fait autre. Et après, justement, pour aller vers... Je te crève les yeux. Donc, Castlevania est devenu une espèce de... Voilà, avec des faces. Donc, l'autre grand jeu aussi qui... Attends, on peut juste dire que le méchant dans Castlevania s'appelle Zobek. Zobek. Excession connerie. Zobek la mouche. Voilà. Vas-y, continue. Il y a un autre jeu qui va sortir en 2010 aussi, qui va être considéré comme un Zelda-like, entre guillemets, période 3D, mais avec des combats façon beat'em all, c'est Darksiders. Tu le mets dans les beat'em all, mais... Ben, on commence à aller... Mais disons que la notion de beat'em all, telle qu'on l'a découverte, telle qu'elle a été modernisée avec Devil May Cry, Bayonetta, tout ça, on commence à voir ce système-là de combat dans les jeux qui sont des jeux tout à fait autres. C'est vrai que moi je le pense pas. J'y pense pas en tant que beat'em all, c'est pas déconnant, mais je le pense en tant qu'action aventure. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est un peu comme Devil May Cry l'a fait par exemple avec le RPG. À partir de l'époque PS2, on commençait à mettre des éléments de RPG un peu partout. Et c'est vrai que le beat'em all maintenant c'est devenu une mécanique, faire des combos même dans un jeu d'action aventure maintenant c'est devenu basique. Mais ça ne l'était pas à cette époque encore. Hein. Petit coucou à Colette aussi, un jeu comme Alice Retour au pays de la folie. C'est un jeu de plateforme 3D, mais les combats, sur le coup, on se retrouve avec un mode de déplacement exactement comme un Darksiders ou comme un Bayonetta, avec du lock d'ennemis, avec des armes différentes à utiliser suivant les situations. Donc, on va avoir des éléments de beat'em all de plus en plus dans des jeux qui n'en sont pas forcément. Où je pensais aussi à Brutal Legend. Qui va aussi inclure. Oui, en plus, il fait du tower defense aussi. Il fait un peu tout, lui. Mais... Voilà, il fait. Oui. Et c'est dommage. Et du headbang. Et du headbang. Ça, c'était très bien. Et puis, il y a Jack Black. Voilà. Après, en 2010, pour en parler rapidement, parce qu'on va juste le mentionner, on a quand même du classique qui commence à arriver, donc avec la vague, entre guillemets, indé. Qui va commencer à submerger tout le monde avec le fabuleux Scott Pilgrim versus The World. Ah oui. Jamais joué. Putain, ce jeu là. Le regret de ma vie. Repartir, voilà. Le regret de ma vie, je l'ai pas acheté à temps. Qui donc là on est dans du très classique entre guillemets au niveau jouabilité, mais ça marche. Le jeu fonctionne, le jeu est super fun, super agréable. Et il est soutenu surtout par la DA de Paul Robertson, quand même. Hein. Parce que c'était du pixel art. Dis quand même à ceux qui ne le connaissent pas qui est Paul Robertson. Hein. Voilà. Il faut expliquer qui c'est ce monsieur. Hein. Bah, c'est un maître du pixel art. Quoi. Si vous voulez savoir ce qu'il fait, tapez sur Google et vous allez voir ses œuvres. C'est un génie. Et quand on dit un maître du pixel art, c'est-à-dire qu'il est capable de faire animer plusieurs personnages sur des gifs, très essentiellement sur des gifs, et c'est vraiment spectaculaire qu'il fait. Il a une DA particulière, et c'était vraiment bien justement à la DA du comic book de Scott Pilgrim justement, hein, puisque il a pu se l'approprier, et c'était vraiment super bien trouvé comme beat'em all. J'y ai jamais joué, mais on peut plus y jouer. Il a pas été retiré des stores, lui. Je sais plus. Il a été retiré, il n'est plus achetable ni sur le PSN ni sur le Xbox Live Arcade. Il a été retiré, voilà. Ça c'est une honte. Donc en espérant qu'un jour, comme d'habitude, les problèmes de droit finissent par peut-être voir le jeu réapparaître. En attendant, non, ce n'est pas un jeu malheureusement qui est jouable facilement. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment bien, lui. Ah, je suis en train de me dire, ma PS3, après un accident malencontreux, elle peut lire des jeux qui ne m'appartiennent pas. Je sais pas comment ça se fait. peut-être que. ouais, c'est dans la vie, il arrive des trucs. C'est mystérieux. Hein, je... On sait pas. En train de me dire. Toujours en 2010 quand même, parce que cette année mais elle est exceptionnelle, donc comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, il y a le patron God of War qui va arriver et mettre tout le monde d'accord en termes de violence, en tout cas. Ouais, non, mais... de mise en scène. Et de grand spectacle. Ouais, c'est le jeu popcorn. Là, c'est vraiment, on rentre vraiment dans le jeu popcorn. Tu sais que moi les premières minutes, elles m'ont choqué de... Ah, le popcorn, parce que je m'attendais pas à ça. Sauf que c'est dur de mâcher parce que t'as plus de dents, mais... J'ai envie de dire, l'avantage de God of War 3, c'est aussi son principal inconvénient, c'est qu'il commence tellement fort qu'après, on a l'impression que tout à coup, il se passe plus rien dans le jeu. Qu'est-ce qui met la séquence d'intro, la bataille contre Poséidon ne veut rien dire. Ah ouais, c'est fou. Mais par contre, et c'est pour ça que moi, je... Enfin... Ben c'est mon jeu de 2010, c'était vraiment Bayonetta, parce que God of War 3, comme tu le dis si bien, t'as l'intro, et après, je vous promets, s'il y a quelques boss quand même où je pourrais les resituer, mais le reste de ce qui se passe dans le jeu, je sais plus. Moi non plus. Ah bon, il y a un labyrinthe où on pousse des gros cubes géants, enfin tu vois, mais je sais qu'on combat des boss, alors je vais peut-être pas tous les dire, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être pas fait, mais je me souviens plus trop du jeu en fait. Il m'a pas marqué et tant que ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Game of Thrones n'a pas inventé les doigts dans les yeux. Mais par contre, la scène d'intro, c'est super choquant. Hein. Enfin, ouais, c'est choquant, c'est choquant. Choqué dans le sens, je m'attendais pas à ça tout de suite. Tu lui tabasses sa gueule à Poséidon, mais vraiment, hein, tu sens que ton perso, il n'est pas content. C'est la définition même de la rage. Kratos, il n'est jamais content. Ah oui, mais là, il est vénère. Mais il est vénère après tout le monde, c'est tout le monde, même ses alliés, il défonce tout le monde. Tu me rappelles de Maudire quand il quitte Koh-Lanta ? Non, mais vas-y. Voilà. Non, mais non. Voilà. Tu l'as pas dit ça, tu l'as pas dit ça. Quand t'apprends quelques mois plus tard qu'il va être père, putain, t'as peur pour le gars, quoi. T'as vraiment peur pour le monde. Ah oui. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec le recul, je me dis que. Et bien, finalement, ils ont refait, même si c'est pas tout à fait mis en scène pareil ou fait pareil, mais le premier combat contre Baldur dans God of War sur PS4, ben, il est un peu pareil quoi. Il est quand même vachement marquant. Hein. J'ai toujours pas joué au jeu. Ultra. Ouais. Je suis même pas sûr que ma console. Ultra pêche. Ouais, c'est ça. On est dans cette idée-là, sauf que par contre, je trouve le God of War sur PS4, pour moi, il a un rythme impeccable. Par contre, contrairement justement à God of War 3. J'ai vraiment plus aimé j'allais presque dire le jeu il est beaucoup plus intimiste, alors je sais pas si c'est le mot que je veux en fait ça dépend si éventrer des gens et s'asseoir sur leur visage c'est intimiste, mais je cherche un mot que je trouverai peut-être dans 2 heures, c'est pas grave, mais ouais, chaleureux, God of War est convivial. Non, God of War sur PS4, je trouve qu'il a un rythme vraiment excellent, enfin pour moi c'est vraiment un jeu majeur de cette génération là, PS4 tout ça, mais bref, enfin un peu plus loin, mais moi je le mets presque au niveau chef-d'œuvre, hein, sans déconner, pour un jeu vidéo. C'est tellement incroyable. Ah, c'est peut-être un peu tôt pour que je le mette à ce statut, je verrai dans quelques années, mais ouais, il est très, très réussi. Il est fou. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le risque, hein, et c'est très hollywoodien, hein, ça, cette approche. Tu balances une scène qui met la max au début. Mmh. Oui. Et après, c'est là où ça devient casse-gueule, parce que comment tu gères. Voilà. Est-ce que tu si fais ton une. Jeu dure 2 heures, hein, ça passe. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un des gros problèmes de la plupart des films d'horreur des années 2010 qui ont tellement tendance à te balancer la max pendant les 10 premières minutes qu'après, bah, tu te fais chier. Ouais. Bah, c'est actuellement ce que je ressens avec quasiment tous les films d'horreur actuels. Après, attention, dans God of War 3. J'ai l'impression que c'est un autre débat. J'ai l'impression que c'est généralisé à beaucoup de films. Ouais. Mais dans God of War 3, tu te fais pas chier non plus. Hein. C'est juste que mais voilà, vu ce qui est sorti la même année, tu vois, pour moi, Bayonetta m'a mis plus après, une claque. Quoi. Bah, je l'ai refait avec la version remastered qui était filée gratuitement avec le PS Plus. Ouais. J'ai passé un très très bon moment. Voilà, il est très bien le jeu. Tu finis le jeu, t'es content. Hein. Mais après, c'est vrai que l'avantage comme God of War, c'est que malgré tout, le rythme est bon et que même en commençant fort, il arrive à tenir sur la durée. Ouais, donc on peut presque le comparer à, je vais faire plaisir à appel, à Mad Max Fury Road. Ah non, parce que Mad Max Fury Road. On regarde le début, on se dit, mais ils ne tiendront jamais comme ça tout le film. Pourtant, ils le font. Oui, bah si. tu pars toujours de God of War 3 ou tu non, pars... de God of War PS4. Ah oui, d'accord. Ah, alors, ok, peut-être un peu plus. Oui, non, mais Mad Max Fury Road, pour moi, il atteint des strates jamais atteintes dans le film d'action. Mais. Oui, je suis d'accord. Ça, vous dites ça parce que vous avez pas vu Bloodshot avec Vin Diesel. Tu l'as vu? Oui. Et j'ai du vomi qui coule sur mes joues. Ah, d'accord. Ah, merde. Parce voilà, que c'est tout. Moi, ça avait l'air over the top comme j'aime, mais des fois, le problème, c'est que mais le problème, c'est qu'il y a une limite assez ténue sur le over the top comme j'aime, tu vois, et souvent, elle est franchie dans le mode merde. Bah, il est sur Prime gratos. Sur Amazon Prime. Attends, c'est tu veux Prime. Dire qu'il est passé de pas de sortie au cinéma à Prime gratos? Non, non, mais attends, non. Entre temps, ils l'ont vendu 15 euros, c'est-à-dire que les gens ils l'ont acheté, et après, le fil gratuit sur Prime. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Si vous pouvez, regardez-le et pleurez du sang et du vomi. Moi, je l'ai fait ce matin. Ok, ça marche. Bon, bref. Regardez Fury Road. Regardez Fury Road. Oui, Fury Road, très bien. Et la version noir et blanc. Alors Fury Road qui ressort d'ailleurs, on va juste histoire de rigoler un petit coup, une petite parenthèse cinéma, mais j'ai envie de le dire. Fury Road qui sort dans une superbe version collector Blu-ray 4K de La Mort qui Tue et la version Black et Chrome, ils la mettent dans le pack, mais sur Blu-ray, par contre pas en 4K. Allez bien vous faire foutre. Voilà, c'est tout. Merci les gars. Je dirais tout sorti gratos. Voilà. Ça laissait vachement chier de presser deux disques 4K pour te les vendre 50 balles. Hein. Ce que j'aime chez nous, c'est une manière à digresser à partir de sur tout. Non, mais ça fait chier parce que la version Black et Chrome aurait tout à fait mérité une version 4K et bon, pour la future édition collector dans 10 ans. Calme-toi, oui, papy, revenons au sujet. Regarde sous le coude. Et donc, oui, la fin de la génération, j'arrive à la fin de la génération, et on va arriver justement au jeu dont je vous parlais, avec donc sur cette fin de génération 360 PS3, donc un reboot d'un côté de Devil May Cry, avec DMC. Que j'aime bien. Que j'ai bien aimé. Parler de lui, ouais. En que bien j'aime ou en mal. Bien. Que je préfère ça au jeu Jap, en fait. Et je crois qu'il a plutôt bonne réputation. Le design n'a pas trop pris plus à tout le monde. Ce que je dirais pour être un peu acide, c'est que ceux qui ont joué l'aiment bien. Et ceux qui lui crachent énormément à la gueule ont sans doute pas dû y jouer. Ils ont sans doute pas joué. Ouais, en tout cas, ils n'y ont pas joué tant que ça. Parce que le gameplay est assez riche et le fait de pouvoir manier 4 armes simultanément, ça rend le truc assez complexe. Alors, c'est pas le bordel. Mais ça offre énormément de possibilités, quoi. Et puis, ce Dante-là, je trouve drôle. Moi, il m'a fait rire. Et la DA... Alors, on peut ne pas l'aimer, par contre, parce qu'elle est crade, mais elle est très marquée. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Et c'est du Mercury Steam, ça aussi. Elle est, ceux qui ont fait, elle est crade dans le genre... Pas crade, genre c'est dégueulasse, mais genre... Enfin, si, c'est dégueulasse, mais le bon c'est dégueulasse, glauque, tu vois. C'est... Ouais, c'est super bizarre. Non, mais le jeu... Notamment Lilith qui restera c'est traumatisé. C'est pas Mercury Steam, c'est Ninja Theory. Hein. C'est Ninja Theory. C'est Ninja Theory, ouais. C'est le boss Lilith qui restera un traumatisme à vie, je crois. Ah oui. Bref, ce n'est pas comme ça que les enfants naissent normalement. Mais bref. Et après, en même année que ce reboot de Devil May Cry, outre un God of War Ascension qui est assez dispensable mais qui est tout à fait agréable à jouer. Ouais, il est bien, mais. Non, mais il est bien. Il est sympa, c'est agréable à jouer, ça passe bien, c'est voilà. Et on a eu en même temps donc le jeu dont tu parlais tout à l'heure, Chou, c'est-à-dire que Platinum finalement va faire tellement bonne impression que Konami va leur confier Metal Gear en leur disant bah tiens, si vous avez une idée de beat'em all avec Metal Gear, allez-y. Et ils vont sortir Metal Gear Rising Revengeance. C'est un jeu où tu coupes des pastèques. Fabuleux. Voilà. Mais disons que, alors, c'est un peu ça, les gens ont crié au sacrilège, ces machins et tout. Bon, alors, effectivement, ce n'est pas un jeu d'infiltration. Pas, ah mais c'est totalement, pas plus que ne l'était Metal Gear Solid quand il repense, mais bref, c'est totalement assumé là. Ce n'est pas un jeu d'infiltration et c'est basé sur le perso qui de toute façon dans Metal Gear Solid était il était démesurément fort et complètement dans Metal Gear Solid 4, il arrête un paquebot à main nue. Disons que rappelez-vous juste de la première apparition de ce perso là dans MGS4. Bah oui, non mais c'est... Voilà. Il arrête un paquebot à main nue dans le MGS4. Qu'est-ce que tu veux? Il fait du smurf avec des épées sur les pieds. Enfin, donc Platinum, ils se sont dit, lui, on l'aime bien. On va faire un truc avec... Non, je sais pas si c'est Platinum qui a eu cette décision-là. Mais en tout cas, voilà, ils ont dit, en tout cas, ça nous botte bien. Et ils ont fait un beat'em all avec une particularité dans le gameplay, c'est qu'il est énormément basé sur la contre-attaque, ce jeu-là. Si jamais tu maîtrises pas la contre-attaque, tu joues. Ça va pas plus loin. Il y a un boss, si t'as pas la contre-attaque, tu peux pas. L'autre particularité, comme tu l'as dit, c'est on peut découper des trucs. Il y a un mode, on arrête le temps et on peut diriger notre épée pour faire couper les ennemis en 3000 morceaux. Et encore, il y avait la première partie du jeu, tu peux vraiment tout découper, la première version. Sauf que ça demandait trop de ressources et ils se sont dit, on va peut-être... Bah là tu peux découper. Oh, tu peux découper pas mal de trucs quand même. Tu peux découper pas mal de trucs. Mais après. Et on retrouve un peu un feeling un petit peu. Énormément Platinum dans le gameplay. Et un peu Kojima avec ses boss qui te font des fois des tirades. Les cinématiques elles sont totalement pétées. Magistrales et tout. La guerre c'est mal et tout. En fait, le scénario en plus du jeu, j'ai trouvé plutôt sympathique. Il m'a fait rire. Mais c'est du Metal Gear. Tu peux pas crier au sacrilège. Il y a tous les éléments de Metal Gear. Sauf que là, on passe un. C'est mal, c'est tout. Et toi, Chou, tu disais, tu l'as bien aimé celui-là. Mais je l'ai acheté à sa sortie, en fait. Et c'est un truc de dingue, parce qu'en fait, moi, les Metal Gear, vous savez, j'en ai un peu rien à cirer. L'infiltration et moi, c'est un peu comme moi et les jeux de course, tu vois. C'est-à-dire, genre, allez-y, premier virage, gravier. Donc, voilà. je suis le mec le plus discret de la Terre, y compris dans les jeux vidéo. C'est, voilà. Je suis quelqu'un. Mais quelque part, je suis quelqu'un de très connu pour ma subtilité. Et pas qu'en tant que joueur de jeux vidéo, d'ailleurs. Enfin, bon. Et donc. Quand le jeu était annoncé, c'était une époque 2013 où, très clairement, à part jouer à Street Fighter et les jeux de baston, j'avais un peu rien d'autre à faire. Donc je l'ai acheté Day One. Je crois même que j'avais pris une collector où il y avait une figurine. Enfin bref. Parce que le jeu m'ambiançait déjà de base. Oui, je confirme. Je suis rentré, je l'ai foutu juste dans ma console et j'ai passé un excellent moment. Après, c'est le genre de jeu où maintenant, j'en ai plus aucun souvenir parce que, bon, en 7 ans, il y en a quand même eu des jeux qui ont passé derrière. Mais j'ai trouvé que je trouvais que la DA, elle était stylée, alors que pourtant, voilà, il y a pas mal de mechas dedans, alors pourtant les mechas, je m'en fous un petit peu. Je peux vous vendre du rêve à tout le monde, le boss de fin. C'est pas du spoil parce qu'on le sait très vite, il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de plot twist, quoi, mais c'est François Hollande sous stéroïde. Pardon. Je n'ai plus aucun souvenir de ce jeu, en fait. C'est ça qui est terrible. Alors, les seuls souvenirs que j'ai de ce jeu, c'est que j'ai bien aimé. C'est déjà pas mal que j'ai envie de dire, non? C'est déjà un bon point, oui. Non, mais déjà, il faut avertir les gens, si vous voulez y jouer, apprenez à jouer, parce qu'il est dur. Il laissera rien passer, le jeu. Rien. Mais c'est gratifiant. Mais c'est dur. Je vous rajoute l'image. Et puis Raiden avec un poncho et. Ah oui, cette mission de. Je fais question. C'est pour ça les gens qui se plaignaient que c'est pas du Metal Gear, c'est la trahison. Au contraire. Si, non mais c'est totalement, c'est du Metal Gear, on est d'accord. 1000% c'est du MGS. Ben voilà, bon. On va arriver tranquillement à la fin de cette génération-là. Après, on n'est plus dans du rétro. Hein. T'as oublié un monument. J'ai juste une question à poser. Hotline Miami, c'est un BTA. Voilà, je vous mets ça là. Le chat, enjaillez-vous. C'est le poste fin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as oublié un jeu, oui. Alors on avait parlé de Mad World, hein, qui est c'est un jeu ultra violent, sanglant, dans des arènes avec 36 façons de tuer des ennemis. Tu as oublié Muramasa. Katana Zero, il est sorti en 2019. Je suis pas sûr que tout le monde y ait joué. Moi, tu y as joué à Katana Zero? Ouais. BTA, pour toi? Là, c'est comme, c'est ah, ça, comme là, ça commence à Miami, parce hein. qu'en fait, on commence à vraiment rentrer dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, il y a des éléments de BTA maintenant qui se glissent dans tous les genres de jeux et tout. Ça devient difficile maintenant de dire un jeu est un pur beat'em all. Mother Russia Blitz. C'est vrai. Du coup, Katana Zero, sure. Il y a des éléments un peu d'infiltration. Un peu... Oula, tu te calmes l'image là. Qu'est-ce qui se fait là, bon, bref. Un peu d'infiltration, un peu. Ouais, je sais pas si c'est donc, un beat'em all. Mais du coup, Muramasa. On n'en a pas parlé de Vanillaware de manière générale. Oui. Puisque, en vrai, depuis. Depuis bien des jeux, Vanillaware, ils vont continuer après. Le truc, c'est que oui, est-ce que Muramasa est un beat'em all? Oui. Oui. Oui, oui, avec des mécaniques de avec du RPG, ben c'est ce qu'on disait. Hein, y a... Ouais, en fait, c'est un beat 'em all, mais chaque combat, chaque écran de combat, bah, c'est un déclenchement un peu comme un RPG. Enfin, parce que Odin Sphere est déjà oui, un RPG, un beat 'em all, je veux dire. Alors. Bah, j'ai pas fait, en fait, je sais pas parce qu'Odin Sphere, j'ai pas fait, donc je peux pas. Mais tu sais, leur dernier jeu, Dragon's Crown de Vanillaware, qui reprend justement ses références avec les beat 'em all arcade de Capcom. Oui, des choses CPS1, CPS2 de Capcom à l'époque, oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. The Night of Rounds et tout ça, c'est complètement ouais. ça, hein. On est dedans là. Oui, Dragon's Crown, lui, est un vrai à l'ancienne, entre guillemets, avec des notions de ouais, level up et tout ça. Ouais, mais Dragon's Crown a quand même cette dimension RPG, tu sais, qui fait en sorte. D'évoluer son personnage, mais c'est un beat'em all. Et c'est comme ce que disait Moa, tu sais, que c'est difficile de déterminer ce qu'est un beat'em all. C'est exactement le même chemin que pour les JRPG maintenant. Ah ouais. Il y a une confusion de tous ces gameplays là. Bah, il y a un exemple, le meilleur exemple que tu puisses trouver actuellement, c'est les Yakuza. Oui. Alors, je les mets dans les RPG, les Yakuza, mais en fait, il y a tout là-dedans. Il y a une grosse composante baston et. Oui. C'est beat'em all quoi, t'as des coups différents, des spéciaux, c'est... Mais j'arrive même pas à le placer tellement c'est pour tout. Parce que Yakuza tu pourrais même le mettre en visuel novel, ça passe, t'es... Enfin, c'est... Si, c'est un fourre-tout, il y a tout. Ah, c'est... Ok, voilà, ben, c'était voilà, l'idée. Je pense qu'on a fait quand même bien le tour du genre et justement... Oui, on de a sa juste modernisation en 3D, tout ça. On a juste obligé de parler de Death by Degrees, hein, à Pinida. Alors, évidemment... Pardon, je voulais le placer. On n'a pas été exhaustif et on a sans doute oublié de trois choses. Non, parce que c'est de la merde avec Nina. Je voulais juste le placer. Voilà. Ah, le truc de Tekken, là, ou... Non. Oui. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Avec Nina, ouais. Ah, putain. Mais tu sais, Bouzdik, il faut arrêter d'avoir une mémoire comme ça qui tient tous les trucs de merde parce que. Il y a des jeux qui marquent, tu sais. Ah ouais. Je m'aperçois que j'ai joué à pas mal de trucs et tout pourri. Non, mais le micro de Bouzdik, c'est quand il se met à le mettre dans son slip et à parler. Ah, ça fait crac, crac, crac. C'est en fait, ça a coupé tous les trois mots, mais maintenant c'est reparti. D'accord, non, je disais que c'est un jeu que j'aime bien. Non, parce qu'aussi, on peut parler aussi de Warriors. Ah, un jeu de Rockstar. Hein, je connais pas. Du film. Oui, de Walter Hill, film que j'adore d'ailleurs. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je l'ai eu sur Xbox. Oui, bah, le film, ouais. Et le jeu est pas dégueulasse en plus. C'est ça qui est dingue. Je ne vais pas y avoir joué. Mais le jeu est vraiment pas dégueulasse. Mais après, moi j'adore le film, donc j'ai beaucoup d'affection pour celui-là. Voilà, c'est tout. On peut continuer là. Non mais voilà, enfin je voulais conclure en fait sur voilà, ça. C'est après donc comme on a dit, on va continuer vers les tous les genres qui se mélangent un petit peu entre eux à gauche et à droite pour arriver aux jeux modernes et en même temps donc les tout ce qui peut être jeux indés entre guillemets qui vont commencer à pulluler, qui vont vouloir reproduire la touche entre guillemets des anciens jeux, et on arrive aujourd'hui donc avec la sortie de Streets of Rage 4 dont nous n'allons pas parler pour pas spoiler les gens, puis parce qu'on n'y a pas joué. Enfin, jouer à Mother Russia Bleeds, un beat'em all français qui est sorti en 2016. Il y en a des sympas, il y a River City Girls, oui. Bah, qui est du Kunio-kun. Oui. Ouais, c'est ça, et puis c'est littéralement ça. C'est Kunio-kun, mais avec les filles. C'est ça, c'est les filles qui vont sauver les gars qui se sont fait enlever et qui apparemment est plutôt réussi. Donc c'est un genre qui perdure malgré son ancienneté et finalement on pourrait croire qu'on en a fait le tour et bah... Ouais. Et puis alors, puisqu'on est dans l'actualité, juste un dernier petit mot par rapport à Streets of Rage 4. Si vous jouez sur Xbox One, ne lancez pas le jeu en langage portugais-brésilien. Ça empêche de créer une sauvegarde. Ils sont en train de travailler sur un patch. Oh merde. C'est pas... Je pense pas qu'on soit très concerné ici. Ce bug de con. C'est pas commun comme bug. Hein. Bah, c'était arrivé à l'époque sur c'était Runner 3 sur la Switch. Qui avait toutes les langues qui plantaient sauf l'anglais sur certains niveaux. D'accord. C'était bien. C'est banal comme. Bah là, il t'arrive ça, t'as plus qu'une idée en tête. Hein. La bagarre. Bon, il me semble que. Ah mon dieu. C'est l'heure du père Fouras. Donc. Ok. Bon. Alors, monsieur Chou, parle-nous d'un jeu. Est-ce que déjà j'ai la musique ? Ou c'est Bosdick qui l'a fait la voix ? Putain. Bon. Je sais pas si le chat va être prêt par contre. Dites-y, c'est trop fort. Coupe. Bah la musique coupe derrière, on dirait. Cette musique. Je suis désolé, je vais essayer de m'échauffer un peu. Allez, c'est parti. Tu me dis quand t'es prêt, Pat Le Guen, à l'arrière. Vas-y, par contre j'ai un problème avec Discord. Donc eux l'entendent, je pense, mais pas toi. Mon pas jeu. Bien. Est synonyme de puer. Et c'est pas la petite pelle. Pourtant, il n'a pas empesté. De Nintendo à Coca, mon jeu a fait un tabac. Ralph l'a créé, mais Hal lui a fait des cornes. Qui suis-je ? Alors maintenant, le chat, vous pouvez participer. Énigme de merde que j'ai mis une demi-heure à faire. Que j'ai testé sur Mike, un pote, et sa réponse a été quoi ? Je. Alors. Pas pareil. Alors, je répète, mon jeu est synonyme de puer, mais pourtant il n'a pas empesté. En fait, voilà. Comprenez que l'énigme, je vous envoie sur 3-4 fausses pistes, il y a des machins, faut comprendre. Donc voilà. Donc le jeu, il n'a pas empesté. Et c'est vraiment un synonyme de puer, le jeu, c'est pas une connerie. Hein. En argot anglais, c'est un synonyme de puer. Une tête d'oie coca, mon jeu a fait un tabac. Ce n'est pas Ryan Sippy, le chat pouvait participer. A mon avis, l'indice le plus probant est dans les deux derniers vers. Ralph l'a créé, mais Hal lui a fait des cordes. Et tu m'as tué. Bon. C'est pas Pong, tout simplement. Yes ! Merci, ah tu me fais plaisir. Ah putain, j'ai mis une demi-heure à la faire cette énigme. Ça m'a rendu fou. Je me suis dit je veux un truc incompréhensible, mais qu'on puisse quand même comprendre. Merci Billon. Alors, je vais vous expliquer le cheminement cette énigme. Ouais, tu te calmes le père Fouras là, voilà. Donc, Pong en anglais, ça veut dire puanteur. Pourtant il n'a pas empesté. Le jeu ce n'est pas Tempest. Ah oui, non, mais d'accord. C'est pas fini. J'explique le cheminement de mon énigme. De Nintendo à Coca, mon jeu a fait un tabac. Bon, Nintendo a vendu 1 million des Color TV Games. Donc Nintendo a produit leur console sous le nom de Color TV Games. Et Coca aussi. Il existe au Japon le Coca TV Sports Throne que j'ai dans ma collègue. Donc Ralph l'a créé officiellement. C'est Ralph Baer qui aurait fait eu l'idée de ce machin, mais Atari, via Hal Alcorn, qui développe le jeu bon, pour Atari, lui a piqué l'idée, voilà. Donc Hal lui a fait des cornes, putain, c'est un truc de fou. Hein. Je pense que tu mets ça sur Twitter, les gens sont PLS. Quoi. Non mais ça se voit pas, mais là je suis dans un coin en train de pleurer. Ah mais oui, je confirme. Donc Atari, qui est fondé en 1972, crée donc leur jeu, à savoir que... Atari est confondé par Alan Bushnell et Ted Dabney pour un capital absolument mirobolant de $500, dont de $250 chacun. L'année précédente, ils avaient fondé CZG, aucun lien fils unique, mais ils avaient déjà sorti un autre jeu d'arcade que tout le monde a oublié, Computer Space. Mais il n'a de computer que le nom, parce qu'il n'y a pas de microprocesseur dedans. Il y a juste des composants logiques. Il a d'espace aussi que le nom, parce qu'il n'est pas dans l'espace. Hein. Si, Computer Space, c'est en fait Computer Space, c'est tout simplement une copie de Space War. Non, non, mais c'était une blague. Oui, voilà. Je vais aller voir là-bas si je suis là. Okay. Là. Donc Space War qui a été créé par des étudiants du MIT. Bon, forcément, donc c'est un jeu de tennis, quoi. Voilà, c'est pour la petite histoire, ils ont vraiment piqué l'idée à Ralph Baer. Ah bon, ça c'est autre chose. Mais Ralph Baer, il va se venger d'une. Si plus tard, on va le voir avec Atari. Donc, pour continuer mon cheminement, en fait, on peut croire que le concept vient vraiment de Ralph Baer, alors qu'en fait, l'idée d'un jeu de tennis avait déjà été inventée en 1958. Par William Higginbotham avec son fameux Tennis for Two, son jeu sur oscilloscope. Mais j'ai décidé de faire un truc différent pour cette chronique et de pas raconter un jeu, comment dire, mais plutôt de raconter son histoire parce que c'est assez rigolo. Autant CZG avec leur Computer Space, on avait une borne futuriste en fibre de verre. Autant vous regardez la borne de Pong, on dirait que c'est un peu fait de brick et de broc. Vous avez du bois, un peu de métal. Une bête inscription marquée Avoid Missing Ball for High Score, donc en français, ne manquez pas la balle pour obtenir un score élevé. À l'intérieur, une télévision de la marque Hitachi qui coûte, je crois, $80 ou un truc comme ça, une télé noire et blanche. Et donc le jeu sort le 29 novembre 1972 dans un bar nommé le Handicaps Taverne, rien à voir avec Cap Silver, je précise. Le bar plutôt, était choisi pour étant un lieu rustique, selon Alan Bushnell. Alors, pendant des années, les gens se sont dit, qu'est-ce que classe ? Non, c'est surtout qu'il ne voulait pas faire la connerie qu'il avait fait, comme avec Computer Space, pas mettre ça dans un bar fréquenté par des fils d'ingénieurs ou des étudiants d'université, qui, eux, forcément, vont trouver le jeu génial, mais un peu le bar de Monsieur Tout-le-Monde. Donc, où j'en étais dans mon cheminement, Pong était, en fait, à la base, un jeu confié à Al Alcorn, l'employé numéro 4 d'Atari après Bushnell, Ted Dabney et leur secrétaire dont j'ai oublié le nom, qui avait un nom absolument imprononçable, mais c'est pas grave. Et le jeu lui a été confié pour qu'en fait il se fasse la main. C'est pour dire un peu à l'époque où on en est à point de vue technologie, où on en est aussi point de vue développement de trucs qui va devenir plus tard du jeu vidéo. Donc ils mettent en place tout simplement leur jeu. Puis, quelques temps après, il a appelé en pleine nuit, puis on lui dit « la machine, elle marche pas ». Alors le mec, il se pointe là-bas, il dit « merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il ouvre la machine, littéralement, elle crache des pièces, et en fait, il dit au patron du bar « c'est bon, c'est réparé, je peux fixer ce problème n'importe quand ». Tout simplement, le monnayeur étant tellement plein à craquer, que t'as beau mettre une pièce, ça ne marche plus. En fait, visiblement, ils ont Al Alcorn et Atari ont réussi à faire ce que Ralph Baer n'a jamais réussi à faire avec son Odyssée, créer un engouement, créer une industrie, tout simplement créer un phénomène de société. Et dans la cacophonie générale chez Atari, parce que Atari, c'est un peu une société où, comment dire, c'est un peu des anciens hippies, voilà, ça. Non, mais c'est vrai, il y a mou sur l'ambiance qui est enfumée et détendue. C'est absolument pas une légende, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment particulier. Mais en fait, dans la cacophonie générale, Born commence à être assemblé. Donc en fait, il y a une partie de l'équipe qui assemble le caisson. L'autre côté, les composants. Mais la plupart des Born, la première année, ne passent même pas le contrôle qualité. Et la production stagne à 10 Born par jour. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés en faire au moins 20 ou 25. Ils arrivent à peine à en produire 10. Et selon Bushnell, il y a tellement une bonne ambiance qu'en fait, pour faire en sorte que les mecs partent le plus tard possible du boulot, il va leur acheter un peu des trucs, des cigarettes qui font rire, un peu d'alcool pour faire en sorte que les mecs, voilà. Je ne plaisante même pas. Toutes mes sources viennent d'un livre qui s'appelle The Ultimate Story of Video Game, qui est en anglais. Un livre magnifique que je vous invite à lire. Ce livre est génial. C'est mon livre de chevet, je l'ai lu 7 ou 8 fois en tout. Et voilà, j'étais obligé de vous parler de ça, mais encore, le truc n'est pas fini. Fin 73, Atari a un carnet de commandes de 2500 machines qui n'arrivent pas à remplir. Et c'est justement là, en fait, où les concurrents commencent à se masser sur le marché en disant « Bon, allez, maintenant, on sait ce qu'il y a dedans, on va nous-mêmes faire nos propres trucs. » Et c'est là où Bushnell a une idée de génie, il se dit « Puisqu'en fait, les gens, ils se mettent à nous copier, on va faire un truc qui est miniaturiser notre circuit, faire en sorte qu'on puisse y jouer sur la télé du salon. » Donc le projet est mis en chantier en 74 et en 75, bah, ils tentent en fait de vendre leur truc un peu partout. Sauf que personne n'en veut. Pour une raison toute simple, les grandes chaînes de sont encore sur le fiasco de la ManiaVox Odyssey et se disent « Mais on connaît votre produit, c'est l'Odyssey. » Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, ils tentent de vendre leur truc auprès de pas mal de gens. Et donc, ils tentent chez une chaîne de magasins qui s'appelle Sears. Ouais, Sears, grosse chaîne. Et donc, ils se pointent avec le prototype, ils allument la console. Et devinez ce qui se passe. Elle marche pas. Voilà, le truc, il se passe rien. L'effet Bonelli. Alors, Alcorn ouvre le truc. Il raconte le truc, Alcorn, c'est assez rigolo. Il ouvre le truc, il se dit, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Il commence à transpirer à grandes gouttes, tu m'étonnes. Parce que bon, même si Bushnell est quand même connu pour étant, voilà, un ancien hippie, il fait quand même un petit peu plus sérieux comparé aux autres ingénieurs de chez Atari. Le mec, il est en PLS. Et là, en fait, il s'aperçoit d'un truc, le modulateur d'antenne, il est réglé sur le canal numéro 3. Et le problème, c'est que la tour dans laquelle est situé les quartiers généraux de Sears a une antenne géante qui bloque le signal. Donc après avoir réglé ce problème, le jeu fonctionne. Sears passe commande. Et donc, en fait, ils ont une idée de génie chez Sears, c'est de ne pas vendre ça dans les rayons électroniques, de vendre le Home Pong, comme c'était pas baptisé à l'époque, dans les rayons sportifs. Sport. Oui, bah oui. Quoi ? Non mais c'est totalement con, mais ça a marché. Putain, c'était des Ring Fit avant l'heure en fait. Ah mais totalement. Et pour sceller la légende, Sears demande à Bushnell combien d'exemplaires il peut produire à temps de Noël. Bushnell étant quelqu'un qui, quand tu lui parles production, il va te dire un chiffre au pif pour te calmer. Donc il propose 75 000 à Sears, il dit c'est bon, ils vont me foutre la paix. Sauf que Sears dit d'accord, mais à une condition, uniquement pour 150 000. Donc en fait, dans la panique générale, Atari crée carrément une usine. Voilà, je l'ai pas marqué dans mes notes, mais de mémoire, Atari crée carrément une usine pour assembler à la hâte, voilà tout ça. Le carton pour Noël est forcément immense, et après bah, tout le monde forcément va se mettre à créer ses propres consoles Pong. Je disais dans l'énigme de Pong de Nintendo à Coca, mais il y a pas que. En France, il y a même Seb, le fabricant de casseroles. Qui va fabriquer des Pong. Celle aussi, oui, voilà, donc c'était une chronique un peu différente. Voilà, étant donné que j'avais recommencé à relire ce livre et que ça me faisait beaucoup rire de cette énigme de merde. Bon, le début, voilà, m'est venu en relisant le livre. Donc voilà, si vous avez l'occasion, The Ultimate Story of Video Games, surtout si vous êtes anglophone, le livre coûte absolument rien sur Amazon. Bah, prenez-le. Bah, après, je dis rien, mais vous pouvez trouver une version PDF sur le net. Aussi, t'as un ordinateur cassé qui te trouve des livres que t'as pas. Alors, c'est une maladie contagieuse, ça. Ah mais non, mais moi je dis rien, mais la première lecture que j'ai faite de ce bouquin, c'était une fois au pif en cherchant un truc et je suis tombé sur ça. Je dis, tiens donc, c'est en PDF. D'accord, je vais lire. Puis en fait, je me suis aperçu en une soirée, alors je déteste lire sur tablette, que j'avais lu déjà genre 80-100 pages. Je me suis dit, ok, bon bah le livre, maintenant que j'ai commencé, je le termine. Et puis une fois l'avoir terminé, je l'ai racheté. Et puis voilà, j'ai dû le lire à peu près 6 fois en format physique. Mais ouais, prenez-le, c'est un livre absolument exceptionnel. Ça parle pas que de cette époque-là, ça parle aussi à un moment donné aussi de Doom, je crois aussi un peu de Pokémon, pas mal de trucs comme ça. C'est très bien écrit, malheureusement il n'y aura jamais. Ok. Eh ben, merci bien, monsieur Chou. Merci. Bah, écoute, on ne sait jamais. Hein, au maquet, si vous nous écoutez. Non, mais. Après, il y a l'histoire du jeu vidéo en France qui. Alors, j'avais, lors d'un dernier live, poussé un petit coup de gueule. J'ai dit, putain, chez Pixel 9, ils vont encore me la foutre à l'envers. Avec leurs livres qui ne sortent pas à temps. Fais chier! Puis en fait, ils ont envoyé un mail en disant « Vous inquiétez pas, on attend la palette la semaine prochaine, la production elle est faite. » Donc le livre « L'histoire du jeu vidéo en France » devrait être envoyé très prochainement. Nul doute que je vais le dévorer tout de suite. Mais malheureusement, bon, à part à mon avis, un jour qu'il y ait une traduction faite par des fans et encore le livre, il est encore produit. Donc je vois pas sous quelle licence tu pourrais sortir ça, quoi. Voilà. Faudrait essayer en parler à Hibernator, il est mieux calé pour moi pour ce genre de choses. Mais vraiment un livre exceptionnel, il y a pas mal de trucs. Même aussi pour l'époque pré-Atari, si vous voulez des fois d'avoir des infos. Ah bah merci bien. Merci bien, monsieur Chou. Et une dernière petite anecdote. Oui, vas-y. Concernant les Home Pong Atari, enfin les consoles Pong Atari, certaines sont vendues sous le nom directement Atari. Certaines ont le logo Sears aussi. Et portent en fait une appellation un peu différente. Enfin bref, je sais que j'ai un Pong 4 qui est en fait un. Voilà. Où les deux manettes qu'on peut. En fait, vous avez les deux. Vous pouvez de base jouer à deux sur la console, mais vous pouvez aussi jouer à quatre en branchant deux manettes supplémentaires. Mmh. Et les manettes supplémentaires portent le logo Sears en fait. D'accord. Mais pas sur tous les modèles. Enfin, un peu compliqué. Ok. Voilà. Bon. Il est déjà 23h20. On va remercier aux personnes qui étaient là de nous avoir écoutés. Merci d'avoir les gens, c'était très agréable. Faire un petit coucou à YouTube avec toutes les phrases qu'il faut dire pour être référencé. Voilà. Et. La bagarre Et on va aller se bagarrer au lit. Et on vous dit à bientôt, je ne sais quand, mais on va se revoir pour un autre sujet. On ne sait pas trop. Mais Hibernator, on n'a pas besoin de jouer à d'autres jeux en attendant Street of Rage 4 vu qu'on l'a tous. Oui, c'est Street of Rage pour ceux qui ne l'ont pas commandé en boîte. Ben, voilà. Il est là. Parce que bon, Limited Run, ils sont sympas, mais les frais de port exorbitants, les délais. C'est bon quoi. Hein, les prix aussi, n'oublions pas. Donc, bref. Sur le coup, bonne nuit les gens. Et à bientôt. Je vous laisse avec des bisous. Voilà. Je vous laisse avec un petit morceau de musique. Je vous laisse apprécier le Valhalla Deliverance. Have you ever forgotten me? Mais putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Il fallait absolument. Bref, je ne dis rien. Donc oui, des bisous les gens. Dans deux semaines, on l'espère, hein, ou peut-être plus si les ALA de la vie en décide autrement. Et voilà. Au revoir. Voilà, au revoir. La bagarre.